Cet épisode de Rétro Nouveau est une présentation de ARZO et une production Young Media. Vous voulez avoir accès au pre-show? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com/rétro-nouveau. Rétro Nouveau. Hey! Yes. Salut tout le monde et bienvenue à ce 121e épisode de Rétro Nouveau, premier épisode de 2018! Yeah! Yeah! Yes! Toujours là! On avait dit qu'on serait plus là! On est encore là! Dans quoi ça donc? Ben, dans la vie en général! Les gens! Là. Nous ça sonnait là. Comme un film, mon gars! Ça sonnait comme Pierre Curzi, mais. C'est ça! Toujours ouais. Là, prêt au combat, comme ouais. Dirait T-Cuir. Et bienvenue à Rétro Nouveau, ouais. Le seul podcast qu'on qualifie des New Kids on the Block québécois. Oh vrai, shit, ça? Qui qualifie de ça? C'est ça ta joke que tu préparerais du temps. Toutes nos femmes féminines qui nous envoient, tu sais, vous êtes comme les New Kids on the Block, il y en a un pour chaque genre. Là, on essaie de recruter un gars qui a les cheveux longs parce que... puis blond. Sacrifice. Mais ouais, je peux faire ça cette année, être long c'est blond. C'est qui, ben, Danny? Let's go, man, blond. Hein? C'est qui Danny? Danny, ah, on sait pas. C'est compliqué. Joe McIntyre. Crie de l'angoisse, on crie de l'angoisse. Ouais. All right. C'est qui Danny Wahlberg? Ah ouais, c'est un qui bon aime le plus ça. Les burgers? C'est chien, ça. Ah, écoute, ouais, c'est ça qui aime le plus les burgers. Mais... qui a joué dans ça? On vient de faire dérailler tout le podcast. C'est qui Joey? On vient de perdre la moitié. Il faut se présenter. C'est qui Jordan Knight? Jordan. Il y avait Jonathan, Jordan, Danny, Donnie. Il n'y a pas le gars de Green Day là-dedans aussi. Là, il y avait cette rumeur là, qui non, courait toujours. Pas... on en a ça, peut-être Trey oublié. Trey Cool? Non. Le drameur? Billy Joe. Billy Joe. Cette rumeur là, qui était là-dedans. Il y avait Joe. Joe McIntyre. Ouais, ouais, Joe McIntyre. McIntyre. Le petit, ouais. Le plus jeune. Tailleur. Me demande ce qu'il fait aujourd'hui. Lui, je pense qu'il essaie de faire des films. Ah ouais, pour vrai? Ouais, exactement. Des direct to DVD, c'est ça, exact. Comme on dit. Fait que Rétro Nouveau en 2018, c'est ça, on change tout le temps la formule. Là, la nouvelle formule, il y a quelqu'un qui fait un gag, puis on fait le show au complet on là-dessus. Déraille dessus, ouais. On déraille dessus. Idéalement. Si on réussit pas, le show se termine. Fait que c'est comme un challenge d'essayer de tenir ça pendant 2h30. Ah oui, c'est vrai, parce que le show va durer 2h30. On revient à long terme. On revient à la vieille formule où est-ce qu'on mourrait à décongeler. Mais non, on change rien et présentons-nous à ma gauche, vas-y. Nick Lachapelle. All right. JF Cromp. Fred Jemus. Dominique Bourret. All right. Et toi? Et puis moi, je suis Bruno Georget. Et puis, pour commencer ça direct, on a rencontré un fan oui. Qui est venu de loin, qui est venu nous voir à Arcade Montréal. De Val-d'Or. Ouais, de Val-d'Or, yes. Tabarnouche. Incroyable. On a vu Jonathan Boucher, a.k.a. John Deere. Ouais, c'est ça. Qu'on voit ici. On voit ici à l'écran. Il y a d'autres photos. Ah, je pense que c'est les a toutes. Ah ouais. J'en ai deux, en fait. Là, on reconnaît Juice en Je comprends pas la position de Juice. On dirait qu'il y a un wife beater. Mais... ah, ouais, ah non, c'est un bras, c'est un coude. Par rapport. Si, hostie, c'est malade. Donc, il est... ouais. Ben oui, c'est ça. Fait que la joie était au rendez-vous. Avant Noël, on a dit sur le show que ça, on allait être le 29 à l'arcade, toute la gang, ouais. Pour fêter puis avoir du fun. Puis c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Non, vraiment et pas. Et puis Jonathan, il était en ville. Fait que ça a donné. Il s'est arrangé pour être là, pour nous rencontrer. Puis exact. Il était vraiment gentil, là, tu sais. Il était comme honoré, on dirait. Ouais, exact. c'est flatteur, tu sais. C'était, c'était vraiment le fun. Fait que c'est ça, on s'est réunis puis on a fait une belle photo. Yes. Joe, il est aussi. Il y avait petit Joe. Ça, on peut ouais, photo. Ouais, et j'avais le même chandail que maintenant. Le photo bomber. Il y avait encore. Ils ont photo un easter egg de petit Joe, c'est très drôle. Puis Jonathan est un Patreon aussi. Donc, il nous écoute et puis il contribue. Donc, c'est vraiment très apprécié. Mais cette photo, c'est la preuve qu'on existe dans le vrai monde. Exact. Ouais, c'est ça. On n'est pas des modèles 3D inventés par une firme japonaise. Donc, ça vous rassure tous. Yes. Mais c'est le fun, des fois, il y a du monde qui hésite. Moi, des fois, je reçois des messages justement. Ah, je voulais vous venir vous voir, mais vous aviez l'air à jaser. T'es en train de se battre déjà. Ouais. Ça peut avoir de l'air de hésitez ça, pas. Mais hésitez pas. Ouais, ça, mais c'est vraiment. On parle de rien d'important, de toute façon. Non. C'est jamais important pour vrai. Là. Venez nous voir. On est approchables et tout à fait. C'est tout le temps fun de rencontrer du monde. Des Puis, fans. Même des gens qui n'aiment pas ce qu'on fait. Notre paye, un peu. Du monde qui nous accoste. tu sais, qui disent « Hey, j'écoute votre show. » Moi, ça me fait... Ça me rend tellement heureux, oui. ça, là. Ouais, c'est ça. C'est là que tu te rends compte que tu fais pas ça pour rien. Là. Exact, exact. Ben, en plus, Nicolas sent bon. Ben, c'est fait ça que j'allais dire. Approchez-nous, surtout lui. Ouais, c'est ça. Il va faire une bonne première impression. Il y a un petit fumet de pogo qui t'entoure toujours. Exact. Ouais, c'est des ça, fois, on se frotte sur Nick. C'est pogo. Comme un sapin. Dans for him. Le fameux fumet de pogo. Hashtag fumet de pogo. Hashtag fumette pogo. C'est bien ça. On, ça ben on a ouais. la courbe de l'épisode déjà. C'est bon. Bon, c'est bon. C'est très bon. Ça, c'est show. Fait check. Puis d'ailleurs, allez voir le top 2017 des blogueurs de Rétro Nouveau parce oui. que on est là, nous, sur le podcast, mais on y a aussi une équipe indépendante de nous qui travaille au blog de Rétro Nouveau. Puis ils ont fait de l'excellent travail tout au long de 2017. Puis là, ils ont sorti un top de leurs meilleurs jeux qui est super intéressant. Des jeux même que nous autres, on n'a pas nécessairement couvert. Puis moi, j'aimerais rappeler que le blog, c'est ça qui a de le fun aussi. C'est qu'on couvre souvent des choses sur le blog que nous autres, on touche pas du tout durant le show. Fait que ça fait vraiment là, un paysage complet du jeu vidéo. Là. Exactement. Puis Mario, qui était présent sur l'épisode, est toujours chef de pupitre toujours. Du blog. Et puis toujours. Il gère les blogueurs, les articles et tout ça. Ouais. Il met ça en ligne. Donc, il est toujours très présent dans l'équipe. Donc, ouais. C'est comme un deuxième aspect de Rétro Nouveau qui ouais. est à considérer exact. Et à aller lire. C'est très intéressant. Ouais. Ouais. Puis c'est comme l'extra de Tout.tv, mais c'est l'extra Rétro Nouveau. Exact, c'est ça. Ouais. Hey, beaucoup meilleur. C'est gratis. Ouais. T'as pas 8 piastres. Là. Dans le chat, il y a quelqu'un qui dit qu'on se ressemble pas en vrai. Ah! Ouais, c'est ça. C'est quoi son nom? C'est Saragon 44. Qu'on va aller péter. Je suis désolé. Mais en vrai. Oui. Mais attends. Ah, ben peut-être basé sur la photo qu'il y avait. Oui, c'est ça, en vrai, sur la photo. On va la remettre, là, mais je trouve qu'on se ressemble pas j'ai mal. J'ai le même chandail. Come on, je suis pareil. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Tout le temps habillé pareil. En le fond, t'as trois t-shirts. J'achète trois fois le même t-shirt. Mais moi, ce que j'aime là-dessus, c'est qu'on dirait que Dom est en robe de chambre. C'est vrai, c'est mon problème. Moi, je cours sur pattes et puis j'ai le tronc. Pas bien ben haut, fait que les chemises sont longues. C'est une soirée où j'avais pas, passé. C'est pas du genre à m'enculoter, là, tu sais, parce que j'ai encore du respect pour moi. C'est vrai. J'avais passé ma petite laine à Bruno sur cette photo-là ouais, exactement. Aussi. Ouais, Bruno, il a l'air chaud d'œil. Ah ouais, ouais, ouais, j'étais chaud d'œil en crise ce soir-là. Ça, regarde le petit regard à Bruno, ça un peu jovial. Ouais, croche. Ouais, mais tu peux voir d'ailleurs des fois quand j'ai la bouche fermée, mais pas vraiment. C'est ça, un petit entrouvert. Là, je suis un peu chaud. T'es comme trop de bonne humeur pour que ça ferme au complet, ce bouche-là. Et ça, c'est quand Bruno est chaud. Trop heureux. Mais on a parlé du blog, on n'a pas fini à 100%. On voulait quand même remercier les collaborateurs, donc Matt Bennett, Éric Théroux, Tania Moore, Mario Ramos. Toujours au poste, on apprécie ce que vous faites. Puis allez voir ça parce que c'est complètement différent de ce que nous, on a donné. Il y a des titres là-dedans, des petits bijoux que nous, on n'a pas couverts et qui sont là-dedans. Matt Bennett, il ressort des japonaiseries puis des affaires. Exactement. Là, obscures, puis, donc, t'apprends. Ouais, Madame Moore a fait du Japanese RPG à fond. Il y a plein de belles choses là-dedans. Oui, exact. N'est-ce pas? Donc c'est ça, sur ça je voulais aussi vous donner un petit update pour Rétro Nouveau Solo. J'étais supposé en sortir un durant le temps des fêtes. Finalement boisson, c'est pas pelletage arrivé. Pelletage un peu quand même. Ouais, pelletage. J'avoue que le pelletage a fait chier année, une coupe de plan quand même. Mais non, c'est ça, je vais revenir entre cet épisode de Rétro Nouveau et le prochain, donc je vais pas arrêter ça. Ça va continuer, donc c'est ça, bientôt un Rétro Nouveau solo probablement d'ici la semaine prochaine. Et puis, pour ce qui est du contenu du show pour ce soir, moi, pour ma part, je vais parler de Blossom Tales The Sleeping King, qui est un jeu sur PC et Switch. Et puis, toi, Nicolas? Moi, je vais parler de Arena of Valor. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un jeu. On va voir tantôt. GF? Je vais vous parler de Space Pirate Trainer, un shooter bullet hell en VR. Ah, man. Tout Fred. Moi, côté rétro, je vais faire une rafale de jeux Sega Genesis. Oh, 5 oui. jeux, 5 minutes, est-ce que oh, YOLO! Moi, je me lance dans la Wii cette année. Ben oui. Ça va être Heavenly Guardian, que j'ai acheté à l'excellente boutique Retro Love. Hey! www. Ils ont tout! C'est pas des farces. Mais c'est vrai, Retro Love, une bonne boutique. Vous avez juste à aller chercher sur Facebook. Ouais. Puis si vous creusez un peu plus loin, vous allez voir la petite face à Fred. À un moment donné, il y a comme ouf! Petit Joe. Ah ouais, il pop. Sont très disponibles. Fait que, ce qui est le fun de cette boutique-là, en plus, c'est qu'ils mettent une touche de love personnelle sur chaque cassette. Fait que je vous dis pas c'est quoi. Ah, on donne un bisou à chacun des items. Bon. Complet en boîte et bisous. Voilà. C'est ça. Ça devient bad toujours. Ça achire vite à soir, j'aime ça. Fumet de pogo. C'est le fumet, c'est ça. Puis rapidement, avant de commencer, on va également vous parler de notre passage à la dernière réunion du CCJVQ. On va vous dire à quoi on a joué pendant les fêtes et on va vous donner nos résolutions de 2018. Oh shit, on faisait ça nous autres, parce que moi j'en ai pas pris. Ah, écoute, c'est correct ça. Ça va être rapide. De ne pas c'est en parfait avoir. Ça. Fait que c'est ça, fait qu'on va commencer ça. Il y a eu dernièrement un rétro, pas un rétro nouveau, Nintendo. Un Nintendo Direct Mini qui a eu lieu sur le web, qui a eu lieu à la dernière minute. Nintendo, les tannants ont fait flamber le web, comme seuls eux le savent le faire. On voulait vous donner nos impressions à vif de ce Direct Mini. On sait que probablement 99,9% de nos fans l'ont écouté. La grande annonce, en fait, c'est Dark Souls Remastered qui arrive pour la Switch. Ça, c'est une grande annonce. C'est dur pour à dire. Moi, c'est ça. Dans le fond, si t'as baigné dans l'univers Nintendo dans les dernières années, t'as passé de Wii à Wii U avec la 3DS. Exact. Clairement, t'as pas encore joué à Dark Souls. Ouais. Mais il est tellement disponible sur toutes les autres plateformes. Partout, pour moi, c'est pas si incroyable que ça, mais c'est le fun. Mais tu vas pouvoir jouer sur la toilette. Là. Ça, oui, tout à fait. Te punir sur la toilette, c'est doublement clairement ce qu'on peut dire. Le jeu me fait chier. Dans tous les sens. Ça, c'est un jeu qui est super skill-based, frustrant, mais bonne nouvelle. Moi, Mario Tennis, on en a parlé un peu. C'est Bruno, pas mal ma meilleure surprise. Moi, c'est le fun, ce jeu-là. Puis ça a l'air d'être un petit peu un retour aux affaires un peu plus funky. On s'éloigne. Ben, il a l'air d'avoir le côté RPG de Mario Golf, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un story mode, dans le fond. C'est ça. Ils ont l'air de ramener un story mode pas mal intéressant. Puis ils ont l'air, enfin, de aussi de sortir des courts, de faire d'autres choses. Il avait testé certaines affaires dans Mario Tennis, je pense, sur la Wii U. Ah. Je pense que c'était sur la Wii que tu pouvais justement frapper au mur puis ça devenait un tableau de Mario Bros. Il y avait des idées intéressantes puis tout ça, puis ça a vraiment flambé en cours de route. Wii U était classique, un peu très pas très explorateur. Wii U c'était classique, puis 3DS c'était tout simplement décevant. Mm-hmm. Ils ont vraiment tout enlevé, ce qui rendait la chose intéressante. 64 reste le meilleur Mario Tennis. Ben, c'est ça l'affaire. Quand je joue Mario Tennis, on dirait que c'est comme, je sais que c'est le fun, mais ça m'emballe pas. Tu sais, je suis pas comme, mettons que j'aurais pas de Switch, j'aurais pas l'impression que je manque de quoi. Tu sais. Parce que Mario Tennis, c'est super le fun. Tu sais, moi, ce Nintendo Direct-là, j'ai trouvé correct. Tu sais, ça faisait la job d'un 15 minutes de petites nouvelles. C'est un mini, hein. Fait c'est que, ça. Tu sais, il y a des belles annonces, du DLC mais Mario. On dirait qu'on baissait nos attentes en nommant mini. C'est ça, parce que je trouvais que, justement, tu sais, bon, moi, j'étais un peu déçu de toujours voir des ports de Wii U, mais je comprends pourquoi ça le fait. Mais tu sais, j'aimerais ça qu'il y ait un peu comme sur la 3DS, le programme d'ambassadeur, mais le programme des ambassadeurs Wii U, où est-ce que les gens qui avaient une Wii U, ben ils peuvent comme d'une certaine façon pas devoir repayer 90$ pour jouer à ces jeux-là, mais tu sais, t'as Mario Kart 8, ben là, avec ce code-là, tu peux l'avoir pour 20$, mettons. Parce que moi, ça me fait chier, j'aimerais ça, là, les rejouer et tout, mais j'ai pas envie de payer 90$, ça, c'est cher. Non, je suis d'accord. Ouais. Puis Tropical Freeze, tu l'as déjà à Wii U ou au 3DS. C'est ça. C'est un très bon jeu, si vous l'avez pas joué. Je pense que ça s'adresse aux nouveaux propriétaires Nintendo qui ont eu la Wii. C'est clairement pour ça, tu sais. C'est la même chose avec Hyrule Warriors. Hyrule Warriors, là. C'est plate, ce jeu-là. On dirait que ce jeu-là, il est fait que là, ils sont comme... Bon, ben, faudrait bien le mettre là-dessus aussi, tu sais. C'est correct, mais tu sais, t'as raison. Moi, je trouve ça correct qu'il mette Dynasty Warriors. Moi, j'aime pas Dynasty Warriors. C'est un type. Faut que t'aimes le type. Piton et les grosses affaires. Ben, c'est de te sentir puissant de battre une armée avec un gars qui spin. Moi, je me sens puissant dans la vie de tous les jours, fait que j'ai pas besoin de rien. C'est parce que tu spins tous les jours dans le métro. Je me bats comme ça tous les jours. Mais je trouve que Hyrule Warriors, c'est le plus faible de la gang, tu sais, dans tous les mousseaux. Dynasty Warriors, ouais. Je trouve que c'est le plus faible de la gang, tu sais, il y a vraiment, tu sais, puis même, j'ai pas joué à Fire Emblem Warriors, puis ça a l'air que même lui, il est quand même beaucoup meilleur de celui de Zelda, fait que tu sais, je ne sais pas à quel point c'était vraiment une bonne idée de le ressortir. Si, c'est, ouais, si les, tout est déjà fait et que c'était facile, je pense que ça a pas l'air complexe de faire les parts, là, selon ce qu'on comprend. Là, fait que, écoute, let's go, pompez-les. Mais... Ben, tant qu'à ça, amener Smash, là, c'est pourquoi ça. Smash n'était pas là? Moi, c'est ça moi j'ai ma propre théorie. Mais votre problème ça, à tout le monde, c'est que vous avez acheté une Wii U. C'est ça, une Switch, puis là, tu achètes les nouveaux jeux. Oui, oui, mais... Au lieu de tout acheter comme des caves. Mais reprenons Smash. Smash avait sorti en plus un truc qu'on allait pouvoir brancher l'adaptateur à manière de GameCube. Là. Mais Smash, ça s'en vient selon moi. Ils attendent parce que ARMS, ça fait pas un an qu'il est sorti. Ils vont vendre du ARMS. Ouais, là, ils vont arriver avec une version 1.5 des nouveaux persos. Ils vont même mettre ça en face. Ça va être écœurant. Puis la scène de compétition va. Si on peut avoir Simon Belmont dedans, moi, je vais être correct. D'ailleurs, on les verra plus, ces gars-là. D'ailleurs, il y avait un blog post de Rétro Nouveau de nos fantaisies de qui on voulait voir dans Smash. Fantasy, tu dis, il y a 50 bonhommes. Ah, mais ça, c'était pas une affaire il y a plusieurs années. Oui, c'est ça. Il y a un roster de 50 bonhommes. Exact. Fouillé. Smash c'est le fun à regarder. C'est même plus un fantasy roster, c'est rendu carrément un fanfiction level. Là. C'est rendu malsain. Ouais. Là. 50 bonhommes qu'on veut voir dans Smash. Mais moi, un dernier point là-dessus, j'étais extrêmement déçu qu'il n'y ait aucun détail sur le Virtual Console online. Ça, c'est... Je trouve que c'est une énorme erreur parce que les gens sont de plus en plus fâchés. Puis là, ils commencent à avoir des vidéos qui sortent sur Internet de monde qui essaye de modifier la Switch puis de la hacker puis de la craquer. Puis veux pas, plus t'attends après ça, juste de donner des fucking détails, les gens vont essayer de la hacker. Elle va se faire hacker peu importe. Même s'il y avait le Virtual Console, maintenant, elle se ferait hacker pareil. Là, c'est ouais, ça. Premièrement, il y a des émulateurs de Switch qui sortent sur PC. Ouais, ça, mais tu sais, je pense aussi que qu'est-ce qui fait qu'il l'annonce pas, c'est que je pense à cause de. Rien de inactable. À cause de la NES Classics et de la SNES Classics, ces deux consoles-là, le succès est tellement gros que j'ai l'impression qu'ils sont comme en train de se demander avec quoi ils feraient le plus d'argent. Tu sais, est-ce que c'est avec en vendant un Raspberry Pi dans un case Nintendo ou en vendant des virtual console. Je pense que j'ai l'impression que ça les fait douter un peu. Mais moi, je suis persuadé que SNES, c'est pour nous faire patienter un problème qu'ils n'ont pas trouvé à solution. Ouais, mais tu sais, c'est comme patienter dans l'argent. C'est comme. C'est une bonne. Tu peux patienter longtemps. C'est ça. Mais moi, je pense qu'ils n'ont juste pas trouvé la formule idéale et parfaite. Ils attendent. Je pense que c'est pas compliqué, c'est Netflix. Ouais, exact. Tu payes 10$ par mois, t'as comme une librairie de jeu. Le licensing, tu sais, c'est ça qui est le problème. Le côté légal, c'est un direct mini, puis le 3 s'en vient. Fait qu'il faut qu'ils se gardent les annonces quand même. Mais oui, Bruno, t'as raison, je pense que plus ils attendent. À le 3, on veut Bayou Billy ici. Non, mais il n'y a rien qu'à prendre la Wii Virtual Console, là. À dire, payez 5$ par mois, vous avez accès à tout ce qu'il y a là-dedans. Chris, je m'abonnerais demain matin, je m'achèterais une Switch. C'est sûr. Parce que je pourrais aller jouer des jeux de TurboGrafx 16 puis tout, puis tout ce qu'il y avait sa Wii U. Comme mettez tout ça dans un bassin, vous les avez les droits de ça. Puis faites-nous payer par mois. On va s'amuser au travers de ça. Chaque renouveau, il faut que tu négocies ça. Le côté légal, il est ridiculement complexe. Il ne faut jamais sous-estimer ça qu'on fait du licensing, j'espère que ça sera pas, tu sais, ce qu'on a vu là, c'était pas justement la fenêtre de grande sortie de Nintendo jusqu'au E3, parce que ça semble être le cas quand tu regardes le calendrier à peu près qu'ils ont donné. Ça donne vraiment comme un jeu par mois jusqu'au E3. Ouais, ben. Fait que tu sais, j'ai l'impression qu'on va avoir des re-releases de la Wii U jusqu'au E3. Pour le moment, Nintendo, ils ont comme, grâce à la Wii U, ils ont la possibilité, je pense, de faire, comme on dit, des sorties à tous les mois en ramenant des jeux qui sont déjà sortis, puis en poussant quelques jeux au travers qui sont uniques, si on veut, pour la Switch. Fait que tu sais, habituellement, c'est une période assez creuse ces mois-ci. Là. Ouais. C'est rendu, c'est pas vrai, le mois de février, c'est rendu le nouveau mois de novembre. Ouais. Là, parce que, explique pourquoi. Parce que tout le monde veut pas être en même temps que Call of Duty et compagnie. Tout le monde avait peur de Red Dead Redemption cette année. Fait que tout le monde, ils ont poussé là. Puis finalement, il est pas sorti Red Dead. Ouais, c'est aussi sûr qu'ils ont manqué leur deadline. Là, que, il y a ça aussi. Là. À l'époque, tellement. Ça, c'est mars. Ça, c'est mars. Quand tu étais en mars, c'est que t'as skippé le deadline qui était supposé être février. Mais bon, tout ça pour dire. C'est comme le nouveau mois maintenant. C'est le mois où c'est moins crowded, mais là, c'est rendu plus crowded. Fait que moi, je dis que le mois de mai is the new mois de février. Nice. Hey, partons le show parce que ça ressemble à l'antichambre, notre affaire. Deux ans et demi, let's go. OK. Antichambre. Qu'est-ce que t'as contre l'antichambre? Ah, écoute. Bergie, moi, je pense. Tu connais Bergie? Une heure. OK. Critique. Vas-y, Bruno. Blossom Tales The Sleeping King, développé par Castle Pixel LLC, publié par FDG Entertainment, disponible sur Switch et PC. Blossom Tales, c'est un jeu qui nous vient de la même compagnie qui a fait Oceanhorn. Puis Oceanhorn, c'était vraiment comme un... OK. Continue. Oceanhorn, c'était un jeu qui essayait de copier et de... Ouais, et de reprendre l'univers de Wind Waker, de Zelda. Donc, on essayait vraiment de faire un hommage, mais mal. C'est pas bon, Oceanhorn. C'est vraiment un mauvais jeu. Puis là, ce qu'on a fait, c'est que c'est vraiment un hommage à Link to the Past. Est-ce que c'est un bon jeu ou un mauvais jeu? On va le savoir tout à l'heure. Ben, direct en partant, je peux te dire que c'est un bon jeu. Puis de la façon que c'est fait, c'est comme... c'est présenté... C'est comme des bonhommes Lego. Oui. C'est présenté de la façon... c'est un grand-père qui raconte une histoire à ses petits-enfants. Puis lui, il va faire la narration du jeu tout le long, mais on l'entend pas, évidemment. C'est juste du texte. Ce qui est intéressant, c'est que quand il raconte le jeu, à un certain point, même au début du jeu, il dit... puis là, la petite fille se battait contre des... Voyons, c'était des quoi? Puis là, ça te donne un choix. Puis quand tu réponds à ce choix-là, ben c'est ce genre de monstre-là que tu vas rencontrer pendant ta quête. Fait que ça change certaines choses aussi avant chaque partie. Quand tu reviens, quand tu loads ta game, il va te rappeler où est-ce que t'étais. Fait que c'est comme fait de la façon d'un conte. On incarne une petite fille qui va arriver dans un royaume où il va avoir le couronnement du roi. Puis comme de fait, il va se faire avoir... Jafar arrive puis pogne toute la patente. C'est pas comme Jafar. Aladdin. C'est comme Aladdin, mais là-dedans. Fait que c'est ça, Jafar prend le contrôle, mais c'est pas Jafar. Puis c'est ça. Puis en fait, c'est pas de sauver une princesse, évidemment, puisque on se rend compte que c'est une petite fille avec une épée et tout ça. Elle pourrait sauver une princesse pareil. Oui, ouais, hein? Exactement. Pas parce que, hein? T'as pas parce que t'es une fille qui ne sauve pas des princesses. Non, c'est ça, mais dans le sens qu'elle n'a pas besoin de faire ça, elle n'a pas besoin de faire la même histoire que Link to the Past. Non, mais si elle voulait, elle pourrait autant que le gars. Oui, totalement. Hashtag 2018. Ouais. 2018, puis regarde, c'est une petite fille, l'héroïne. Puis c'est ça, là-dedans on retrouve vraiment toutes les mêmes choses qu'on retrouvait dans Link to the Past. Un overworld qui est quand même assez simple, assez facile à reconnaître. Tu commences dans un village, tu te réveilles de ton lit puis tout ça, pis tu commences dans le village, tu t'en vas au château pour commencer, tu t'en vas dans le sous-sol du château, tu t'en vas faire un donjon, puis là les monstres, les méchants sont épaté que ce monde là se fasse pas poursuivre, sérieux, parce que ben non seulement tu fais la même crise d'affaires, mais c'est pareil. C'est ça, les c'est bombes que... le poussage des peaux, les boomerangs, tu sais, les rats. À différence de Zelda, dans ce jeu là ben évidemment t'assignes à tes boutons des armes, justement, mettons comme un bouclier, de la potion, des bombes, des trucs comme ça. Sauf que contrairement à Zelda, t'es pas obligé d'aller ramasser ou acheter des bombes pour pouvoir en avoir. Parce que okay. La manière ça fonctionne, c'est que t'as une jauge d'énergie en haut, la barre verte. Puis cette jauge-là va te dire bon, ben là, t'as plus de bombes. Puis là, elle va se régénérer. Fait qu'il va falloir qu'elle t'attende. Fait que c'est comme un genre mais de. C'est power, comme des magies qui se régénèrent, mais c'est limité. C'est ça, exactement. C'est comme World of Warcraft, c'est des cooldowns. C'est pareil ouais, comme c'est World ça, of Warcraft. Des cooldowns. C'est ça. Fait que là-dedans, une affaire qui est intéressante aussi, c'est que tu frappes ton épée, puis tout ça, puis tu réussis au début, mais au début, c'est très archaïque. On a perdu Nick avec ça. Nick et ses goofballs. Il arrivera rien. Bonne humeur ce soir. C'est son aura de pogo là, qui monte à la tête. Toutes les fumes. Mais ton arme s'améliore au fur et à mesure que ça avance, puis justement, tu peux améliorer ton équipement. Puis tu peux faire l'espèce de swing en rotation, pareil comme Link. Donc, ce jeu-là, il est bon. Il y a des boss, il y a une grande carte quand même. Il y a une façon de se téléporter aussi pour arriver à différentes places sur la carte qui est très appréciée pour un jeu qui a un mode portable. Oui, c'est vrai. Mais moi, je trouve que c'est un jeu qui, tu sais, malgré le fait qu'il est excellent et qu'il n'y a pas vraiment de problème dans son design, c'est un jeu qui a une grosse crise d'identité parce que quand tu y joues, tu fais comme, mais c'est juste... Cherche le Zelda là-dedans. Ouais, puis ça n'a pas de saveur, vraiment. Ouais. Tu le regardes, là, puis tu sais, oui, ça te rappelle des bons souvenirs, mais comme ça s'attaque à une si grande licence que ça, le personnage principal est totalement inintéressant parce que ce personnage-là n'a pas de voix, rien. Ouais, ouais. Le sprite n'est pas si intéressant que ça. Il aurait pu lui donner un kit cool ou je ne sais pas. C'est comme un petit triangle bleu, sa robe, et c'est tout. Comme un ça n'a pas rapport. C'est un ouais. En fait, c'est drôle parce que c'est vraiment pareil comme Oceanhorn finalement. Ouais, Oceanhorn, ça manquait de personnalité. Puis c'était comme. C'était clairement un jeu d'iPad qui était fait pour un peu la technique. Sauf que Oceanhorn est mal fait. Il ouais, y a des aussi. Problèmes dans le design, ouais, dans le gameplay. Gameplay dégueulasse, le gameplay ça, le gameplay est excellent. C'est ouais. super le fun. Puis tu sais, ça va te donner ton fixe que tu as besoin. Quand tu veux ce genre-là, tu sais. Okay. C'est vraiment réussi de ce côté-là. C'est du McDonald's, finalement. Oui, exact. C'est du bon McDonald's. Ça fait un job. Ça fait un job. Mais c'est cette ça. Compagnie-là a comme mandat de copier toutes les Zelda, si je comprends bien. Parce ouais. qu'Oceanhorn, c'était Wind Waker, que vous avez dit. Oui. Fait que là, mais FDG, FDG aussi, ils ont fait des jeux mobiles que moi, j'aime énormément. Puis c'est des jeux à saveur rétro, mais qui sont vraiment pas... Tu sens pas une copie d'un autre jeu pantoute. Okay. Sauf que justement, j'imagine que c'est une plus petite équipe qui travaille peut-être sur ces titres-là. Puis qu'eux autres, c'est vraiment c'est l'âme du studio. Puis qu'après ça, ce studio-là doit se dire, ben nous autres, à un moment donné, il faut qu'on fasse du cash, les gars. Là. Fait que là, ils se disent, ben on va y aller safe. Là, on aime ça, Zelda. Là, on va faire un Zelda. Fait que tu sais, tout le monde qui joue à ce jeu-là trippe tous autant les uns que les autres. C'est juste que c'est ça. Quand tu y joues, tu ressens un peu comme un genre de vide après. Ouais. Tu sais, t'as fini de jouer, puis là, tu fais comme... Mort en dedans un peu, là. Ouais. C'est ça. C'est juste, la musique est pas pire, mais pas tant là. Le gameplay est super bon, c'est mais il me semble qu'il mange des affaires. Manger des calories vides, donc l'analogie de McDonald's non, est excellente. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'est comme manger... C'est comme du Burger King. C'est du sous-McDonald's. Moi, je dirais que c'est ça, la... Ça, c'est le GoBots de la... le GoBots du fast-food. Moi, je dirais que c'est la version Provigo des Fruit Loops. Ah ouais, la voix choix du ouais, c'est le même look, mais no c'est name. Pas ça. Là. C'est, ouais, ça goûte c'est pas ça. À la même c'est la même céréale, mais c'est pas le même package. Ouais. Fait que ça va te donner ton fixe, mais il durera pas assez longtemps. Ah non, c'est mais ça. C'est un très très bon jeu, sérieusement. Pour le prix, ça vaut la peine. C'est un jeu qui est une vingtaine de dollars, puis il va vous en donner en masse, en masse, en masse. Pour toutes ces raisons, je lui donne un 8 sur 10. Ah, quand même. Quand même. Ouais, ouais, non, c'est un fort pro club, ça, du président. Non, mais pas besoin de se forcer. Sentir à bon compte. Non, mais c'est un bon jeu. Je peux pas chier. Pas obligé de se forcer finalement pour avoir un 8 si je comprends bien. Ben, tu fais juste copier. Mais si tu copies bien, coudonc, okay, si tu correct. Copies bien, ouais. C'est correct. C'est une leçon à la maison pour les, ouais, jeunes, ouais, qui pour les nous jeunes qui nous écoutent. Tu sais, regarde, si tu peux être riche en copiant n'importe qui. Là. Si Mighty No. 9 était sorti et ça avait été un bon Megaman, là, ça avait été copié comme du monde sur son propre jeu. Ouais, mais c'était le gars de Megaman. Été meilleur. Là, Bruno, tu mêles un peu les pommes avec les oranges, je trouve. Non, mais il a raison, je trouve. Mais il mêle un peu les Kirkland avec les Granny Smith. Là. On est dans la même zone, mais c'est deux saveurs différentes. C'est deux palais différents. Je pensais pas voir le jeu, on ferait des jokes de pommes. Sérieux? Ouais. Depuis que j'ai des enfants. On parle de pommes. D'ailleurs, tu sais, les pommes, c'est comme le zoo, tu sais. Moi, j'ai comme un cave. J'allais là aller avant d'avoir des enfants, tu sais, en faisant des activités avec ma blonde. Puis quand t'as des enfants, tu y vas tout le temps. Ah ouais. J'ai même trop abusé de ces places-là. Hey, à toutes les shows, on parle des pommes. Je connais mes pommes. Allez, les pommes. On a comme un, tout un traumatisme collectif sur les pommes. All right. Bon. Fait que sur ça, on va discuter des jeux auxquels on a joué pendant les fêtes. Oui. Pelleté. Puis, ouais, pelleté. Et puis dans la glace. Shovel. Pelting. Night. Ouais, Shoveling Simulator. Shovel Knight, ouais. Aïe, aïe. On va commencer par Jean-François. Bonsoir. Salut, Jean-François. Jean-François. Oui, allô. Hey, j'ai fait mon traditionnel depuis le WEG Picross sur le whisky le 24 décembre. Ah, t'as même pas besoin de fêter avec ta famille quand tu fais ça. Mais tout le monde t'est couché. J'étais dans une belle famille. Tout le monde s'est couché à comme 10h30 le 24. Bon, ben, je suis sur le whisky. On joue à Picross. Bruno a assis tantôt, il saignait des yeux pendant qu'il jouait. Là. Ah ouais, hein, moi je regardais ça, man. Ah, tu fais juste le regarder. C'est très, très mental. C'est triste, là. C'est comme faire du sudoku, là. Mais non, j'ai joué à une couple d'affaires, dont Golf Story, l'excellent Golf Story sur Nintendo Switch. Okay. C'est un RPG de golfeur. Golf Story. Ouais, golf ouais, story. Je l'ai entendu c'est parler. C'est vraiment bizarre comme jeu. Tu mais joues. Attends, puis... Jim de Jimquisition, il en a parlé. Ouais. Mais c'est excellent. Ouais, mais il c'est... Ça. Ce jeu-là est bien coté. Là, c'est le Seinfeld des le jeux web. Vidéo. C'est le Seinfeld des jeux. C'est comme. C'est un RPG, mais tu te bats pas. Tu fais juste jouer au golf tout le temps. N'importe où dans la map, tu droppes une balle, tu frappes, tu pognes des affaires. C'est de l'humour de golfeur, des jokes de tee. Ah, c'est malade. Puis là, moi, je suis là, puis je me dis, je ris, mais. Faut-tu que je ris là où je suis juste vraiment c'est rendu vieux, tu sais? Ouais. C'est cool, comme... T'es comme dans un party où est-ce que tu connais personne, mais tu fais semblant que tu connais tout le monde. Fait que avant de t'asseoir avec ta Switch, tu remontes les pantalons. Mais, ouais. Mais c'est un sleeper hit ce jeu-là, vraiment. Là, essayez ça. Bon jeu porte d'entrée pour des RPG parce que c'est vraiment pas compliqué. Là. Ouais. Tu ramasses des clubs de golf puis c'est pas mal ça. Là. Aïe, aïe, aïe. Il est excellent celui-là. Fait que t'as rien à gérer, rien en ce jeu-là. Pas ben, tu peux changer tes bâtons, un peu ta distance, là, mais y a pas grand-chose. C'est pas ben, compliqué pour vrai, là. Il y a un jeu de golf qui pique ma curiosité et que j'ai pas encore. Moi, j'ai comme un side quest de faire le complete set d'Atari 7800 complet en boîte. Okay. Puis il y a un jeu qui s'appelle Ninja Golf. Quoi? Et puis sur sa pochette, c'est un ninja avec un sac de golf, mais une vraie photo, tu sais, avec un green en arrière et tout. Puis c'est malade. C'est assez pour moi. Je sais pas ce que c'est. J'ai jamais regardé de gameplay ni rien. Mais... Puis il vaut cher ce jeu-là. Ah, ouais. Ça vaut rien, 7800. Mais celui-là, il vaut quand même cher. Ben, on parle pas de 500. Ben, cher, aussi, on là, parle peut-être de 80$. 80$. Ben, c'est quand même cher. Mais ben, c'est cher du 7800, mais man, Ninja Golf. En si la pochette est belle, tu peux mettre ça à Arcade Montréal, puis ça justifie 80$. Ah ben, allez ses dépenses. Allez sur le mur en face du bar. Ceux qui se retournent, là, avec leur bière dans les mains, tu vois le mur, c'est moi qui ai tout collé ça. Fait que Ninja Golf trône fièrement, là. Shit. Un autre jeu de golf à surveiller, en tout cas. Mais Golf Story, je n'avais entendu checker ça, pour vrai, c'est très bon, là. 20$ à la Switch. Nice. Puis sinon, j'ai joué à Dimension Drive, que j'ai fait assis à Bruno aussi un peu chaud tantôt, le fameux shmup à deux écrans que tu warp entre les deux côtés, là. Ça prend de la patience et de la concentration pour jouer à ça. Faut être vraiment focus, mais excellent, c'est excellent une très belle surprise, vraiment là, des belles mécaniques là-dedans. Ouais. Sinon, Lego Marvel Super Hero 2 avec ma blonde, que j'ai donné à Noël, c'est un excellent jeu ça avec. Puis jeu de téléphone, j'ai joué à un jeu sur mon nouveau téléphone Android, South Park Phone Destroyer. Ouais. C'est excellent ce jeu-là. L'as-tu détruit ton téléphone? Ouais. Avant, mais avant d'avoir celui-là, oui, je l'ai échappé à terre puis il a juste éclaté en morceaux là. Ah ouais. Ça porte bien son nom dans ce cas-là. Moi, je vais t'avouer que j'ai installé ce jeu-là puis il me demandait trop de questions personnelles quand tu bootais le jeu, tu sais, il voulait linker tout avec tout. J'étais pas dans un endroit. Ma poignée, il y a trop d'informations. T'as demandé ton LinkedIn, puis là, t'as choqué. Ouais, c'est ça, tu sais. Veux-tu entrer ton password de... C'est quoi ton IP? Chose. Assurance sociale, c'est quoi? Mais c'est un jeu de cartes, c'est belle fun, tu sais. C'est juste que t'as un visuel dans le jeu de cartes que tu vas voir les bonhommes avancer sur la map, puis à mesure que tu mets une carte, ben, le bonhomme apparaît, puis ils vont se battre pour vrai avec les dialogues à la South Park qui n'ont aucune classe, puis l'humour vraiment douteux. Fait, ah, c'est parfait. Un autre ça. Excellent. Ils l'ont bien, la franchise South Park, les derniers temps, je trouve. Tout ce qu'ils font, c'est des entrées de en matière pour des modes de jeu qui sont pas grand public souvent. Là. RPG sur Fracture Bottle, lui, jeu de cartes. Moi, grand public, j'avais joué à Hearthstone, puis je suis pas capable d'embarquer sur Hearthstone. Ouais. J'aime juste pas ça, puis celui-là, j'embarque pis vraiment au bout. Eric me l'a montré un petit peu, puis. Eric, c'est un pro. Il est pro de ses affaires. Ah ouais. Mais moi, j'ai joué pas mal à Hearthstone, puis c'est pas mon genre, les jeux de cartes, au début, là, puis c'était quand même intéressant, mais j'ai arrêté parce que c'était trop addictif. Ouais, ben, c'est si ça l'affaire aussi. Là-dedans, ça va être fini ma vie. Fait que j'ai lâché. On va savoir quoi faire pour mes vieux jours. Exact. Tu peux prendre ça, puis mettons les 12 dernières années de ta vie. J'en rêve. J'en rêve. Tu sais, pendant qu'il y a quelqu'un qui te nettoie à des barbouillettes, tu fais un set en gémissant. Wow. La belle vie, la belle vie. C'est tentant. Fred? Ben moi, écoute, je me suis lâché dans un petit jeu qu'on a parlé assez souvent l'année dernière, puis qu'on va sûrement reparler encore un peu cette année. Tu parles de Porno Zaxxon? Oh, Colin, ça existe? Non. Non. C'était beau, ça aurait été le fun. Wow! Non, je parle Pourquoi tu fais ça? Je parle de Players Unknown Battlegrounds J'ai joué sur moi Xbox aussi. One X. PUBG! Écoute, PUBG. PUBG. J'ai joué au moment dans les fêtes. Hey, sur Xbox, c'est le fun parce que les patchs, ils les rendent bien... excusez, c'est le moment de la bière, c'est important. C'est que les patchs sur Xbox, ils rentrent quand même assez fréquemment. Puis déjà, j'ai rejoué hier. Puis déjà là, le frame rate est pas mal meilleur. Il y a beaucoup plus de stabilité, des options qui ont été rajoutées dans les contrôles. Ah, parce que tu nous avais parlé de ta première expérience, que c'était assez, comme assez brisé, assez amusant, rare. Mais là... Ben, c'était un peu comme sur PC, finalement, brisé, amusant. Mais là, c'est rendu pas mal plus amusant et moins brisé. C'est stressant, maudit, jeu. Ah, c'est quelque chose, c'est vraiment une expérience. Puis tu sais, dès que t'en finis une, tu veux en faire une autre, tu peux pas vraiment t'arrêter de tout ça. Puis merci, mon beau Dominique. Puis j'ai passé pas mal de temps là-dessus, je te dirais. Sinon, je me suis aussi attrapé à un moment donné Cuphead que je n'avais pas encore attrapé. Eh oui. Puis ça aussi, j'ai eu beaucoup de fun. Puis t'as raison, JF, c'est pas si dur que ça, Cuphead. Non, c'est de le faire. Ma copine Fanny me regardait jouer, puis c'est sûr qu'elle a trouvé que j'avais l'air un peu intense dedans, mais tu sais, j'ai joué peut-être un petit 4-5 heures. C'est ma face, je suis fait de même. Mais je pense qu'un bon jauge de difficulté, c'est toujours. T'as brisé combien de manettes? J'en ai brisé aucune. Bon, tu vois, c'est... Bon, fait que c'est pas pire. C'est pas pire. Ben, c'est parce que je viens de l'acheter, ma Xbox. Ça m'a coûté, elle m'a coûté 700$. Je vais attendre un petit peu avant de la tu l'as lancé sur un petit coussin doré. J'ai failli la pitcher, par contre, sur Return to Castle Wolfenstein. Ah ouais? Pas Return to Castle Wolfenstein. Pardon. Wolfenstein 2. Colossus. Ça, il m'a fait poigner un peu les nerfs. Ouais. C'est un cadeau que j'ai eu à Noël. Fait que, tu sais, je me dis, il faut que je le passe avant de le péter. Non, ouais. C'est pas vrai. Mais j'ai joué pas mal à ça aussi. C'est quand même bien, mais moi, je trippe pas tant que ça. Je trouve que côté gameplay, il y a des trucs qui sont pétés dans les contrôles sur la console. C'est un peu étrange. Sinon, côté difficulté, c'est vraiment débalancé. Il faut que tu te battes avec le quick save, ces affaires-là. Puis le côté storyline, des fois, c'est le fun. Des fois, c'est vraiment un peu cringy. Là. Je trouve que c'est un peu too much. C'est vraiment mon coup de cœur. Vers la fin du jeu, il y a des moments où est-ce que t'es là, puis t'en une demi-heure, tu fais absolument rien, à part écouter des dialogues tarantinesques qui mènent à rien. Tu sais, c'est des personnages que tu revois plus. Là. T'es comme, guys, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, aboutissez un peu. Mais tu sais, je comprends. Il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime ça aussi. Tarantino. Quel d'autre t'as choisi au début qui survit? J'ai pris le Irish. Celui avec le bras de métal? Ouais. C'est mon préféré. C'est ça, j'ai fait mon deuxième playthrough. Il est là trois fois dans le jeu. Pendant le... Non. Ben, il revient plus tard, mais je veux dire... Il est pas un personnage important, contrairement à d'autres certains spoiler personnages. Spoiler alert, guys. Ouais, y a beaucoup de spoilers. Ce jeu-là, d'ailleurs, il faut le dire, là, c'est supposé être comme un jeu un peu tongue-in-cheek, là, t'sais, de l'humour un peu noir. Ouais. Puis moi, je trouve que le ton de ce jeu-là, il est off par moment. Là. Il est bien trop dramatique, il est bien trop lourd. Là. À un moment donné, là, je vous dirais, là, le jeu, il y en a que vous allez probablement décrocher parce que vous allez vous dire, c'est crissement pas Wolfenstein. Puis il arrive de quoi? Puis là, à un moment donné, le jeu, il repart vraiment n'importe quoi. Là. Ça clash solide. C'est quand même cool. Ça, c'est cool, mais je veux dire... Le ton de jeu, à un moment donné, j'étais comme, Chris, c'est genre, ça fait oser 4 fois en deux lignes que le personnage meurt, là, ou que le méchant est méchant, c'est comme... Spoiler! Non, mais tu sais, je veux dire, c'est un des rares jeux que j'ai fait deux fois dans les 5 dernières années. Je l'ai fini, puis je l'ai reparti tout de suite après, pendant les fights, vraiment, puis, tu sais, si j'avais fait mon deuxième playthrough avant notre top de l'année... Il aurait été genre dans mon top 3 là, cette année. Là. Je l'avais mis numéro 5, mais... C'est pas mauvais, mais moi, je trouve pas que ça a été le jeu de l'année. Que... Ça a pas été aussi hot que je m'en... Il y a des petites affaires qui auraient pu être... Comme au niveau des contrôles, mais bon, maintenant, on en jaserait dans une discussion, peut-être. On avait parlé d'ailleurs d'un sujet qu'il faudrait... On va parler d'un sujet par rapport à ça. Sinon, j'ai joué pas mal au Sega Genesis, mais là, j'ai un beau bloc à faire qui s'en vient tantôt. J'en parlais là, fait que je vais tout de suite passer le micro à Dominique... Ah, moi, ça a été un Noël, ouais. C'est très bizarre. Parce que, c'est fucké en crise ce que tu viens de dire. Ouais, c'est fucké. J'ai joué à Wii. Combien d'années plus tard? 2005. Cette année, on a full joué à la Wii dans le temps. Il n'y a plus d'argent qu'on a joué à Wii. Puis c'est bien correct, man. Ça m'a pas coûté cher en cadeau à personne. Et puis, mon fils a joué l'été passé au camp de jour. Tu sais, on est pauvre, fait qu'on envoie notre enfant dans un camp de pauvre. Ils ont juste une Wii. Que sinon, les autres, ils prennent de la drogue. Mais mon gars, il jouait à la Wii, puis là-bas, il y a un jeu qui s'appelait Carnival Mini Golf, je sais pas quoi. Il y a du shovelware de Wii, ou bien on penserait. Et ce ne l'est pas. Ben, ça coûte pas cher, là, c'est 5$. Ça coûte rien. Je savais qu'il y avait stické là-dessus, je l'ai calé sur eBay, ça m'a coûté même pas 10$, shipping tout. Puis j'ai emballé ça, puis man, on a full joué à ça. C'est quand même bien fait. Tu débloques des affaires pis tout. Ouais. C'est laid, là, mais il y a des mini-games au travers. Puis Chris, on n'est pas pire, là. On a joué pas mal. Un autre dossier que je voulais régler à la Wii, c'était Rhythm Heaven Fever. Moi, j'aime ce jeu-là. Ouais, t'sais. Vraiment bon. Puis dans le temps, Nintendo nous l'avait prêté. Dans le temps que la Wii, c'était la console pour qu'on le critique. Puis on l'avait fait, puis on l'avait prêté. Puis c'est Julie, dans le fond, il avait redonné pis tout. Puis c'était bien cool. Puis depuis ce temps-là, je me dis, ce jeu-là, je le veux dans ma collection parce que moi, j'avais aimé la version DS aussi. Rhythm Heaven. Et puis, mais je ne l'ai jamais vu dans le wild. Là, j'attendais de le trouver dans la nature. Il n'est pas commun. Chris, il n'est pas commun, mais il n'est pas cher. Sur eBay, il y en a plein. Mais dans d'ailleurs, le wild, moi, je te dirais, pas que celui-là, 3DS, là, c'est de la fucking bombe. Non, 3DS, j'ai jamais c'est vu vrai, ça. Rhythm Heaven Megamix. C'est une compile des deux. C'est une compile, mais c'est mieux qu'une compile quand même. Ils ont comme rebâti un autre jeu avec. Écoute, je l'ajoute sur ma wishlist de 3DS parce que j'aime ça, moi, aller chez EB Games et regarder les packs de Wii et de DS, ces cochonneries-là. Mais il est à la pharmacie, à côté du bass fishing. Là, ah, c'est ça, exactement. Toutes les RBI. Exactement. Les... Mais lui, puis, c'est côté collection, ça va prendre de la valeur, Megamix, parce qu'il est très rare physique. Mm. Ouais, okay. Probablement. C'est comme Final Fantasy, Theodrhythm. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, avec, ça se trouve pas. Ben, tu sais, ton autre jeu de rythme, que t'es comme un dos qui court, là. Rhythm Thief. Rhythm Thief. Ça, ouais. Avec, c'est pas commun. Ouais, exact. Tous ces jeux de rythme-là sont cool et pas communs et pas trouvables dans le wild. Ouais. Mais il y en a sur eBay. Fait que je l'ai commandé pour moi-même. C'est ma belle-mère qui a payé. Fait que c'est mon cadeau. Et puis... C'était gâté, mon cochon. Exact. J'ai fait un petit chasing aussi en Beauce. À chaque fois que je vais en Beauce, le 27, on a un souper à Saint-Georges, un dîner à Saint-Georges, une tente puis tout ça. Puis moi, je me sauve en après-midi. Je vais chez Free Game, excusez, au centre d'achat du centre-ville. Je trouve tout le temps comme... rien vraiment, mais tu sais, okay. Je te pense quelque chose. Là, j'ai trouvé un jeu d'Atari que j'avais pas. Okay. Dans le fond, même dans une boîte, j'étais comme waouh! Incroyable! Tu sais, je l'ai acheté. Puis j'ai acheté Devilish, qui est un jeu de Genesis. Ouais, c'est un brick breaker à double barre, dans le fond. Ouais. La barre du bas, elle se promène, elle suit ta barre du haut, mais la barre du haut, tu peux l'envoyer partout dans l'écran puis la flipper. Hein. Fait que dans le fond, tu diriges ta balle à travers un genre de labyrinthe avec ça, tu sais. Puis, c'est pas un jeu qui vaut cher, Genesis. C'est pas super. Non, c'est 15$. Là, c'est 15$. La musique est très bonne, est Genesis. Top, la version DS est de caca, mon gars. Ouais. Oh, ouais. J'avais jamais vu ça. Puis la pochette est nice. Je suis comme, waouh, tu sais, j'achète ça. Moi, je vais essayer. Puis, je joue présentement, puis c'est de la merde. Ouais. Puis, dessus, il y a écrit UFO. C'est eux qui l'ont développé ici. Puis, je vais en reparler dans ma critique tout à l'heure qui va critiquer un autre jeu de Wii auquel j'ai joué pas mal. Et pour finir, j'ai eu un magnifique Rutilante Everdrive de Sega Genesis qui contient aussi les jeux de 32X et de Sega Master System. En plus, là, je suis sur une chire de Master System. Ouais, c'est très ça. Étrange. Là, j'explore la Master System au bout. J'ai essayé plein de jeux. Là, j'essaye de finir Cloud Master. C'est dur. Chris, c'est un bullet hell, ce jeu-là. Tu meurs, là. Très lent, bullet hell, mais un bullet hell. Ah non, l'écran, il est loadé. Là. Il te ramasse dans un coin, man. Tu meurs, là. C'est violent. Fais les Fantasy Zone. Ouais, super le fun. Mais ces gars, je trouve, sont bons pour te berner avec le graphisme. Ouais, ouais. Tu sais, souvent, ça a l'air vraiment enfantin. Puis Chris, c'est pas faisable. Ben, surtout, Sega Master System. Je sais pas si ça cause c'est mal fait c'est aussi, très, des fois. Très japonais. Ouais, Master System, c'est spécial. C'est vraiment weird comme console. C'est très japonais. Puis ça pardonne pas. Tu sais, il n'y a aucun jeu que t'as des continues, genre. Ouais, t'as trop envie de faire toute la crise de jeu. Replay value continue. Dans le top parce que tu finis jamais ta cassette. Ah non, c'est ça. T'as deux continues pour faire tout le jeu. C'est, tu t'en rends compte rien qu'à moitié du jeu quand tu meurs comme un épais. Fait que là, Cloud Master, je me dis, OK, je peux pas mourir, Sti, parce que je peux pas recommencer avec mon pitch shooter dans le milieu de cet enfer-là. Ah oui. J'essaie de le faire sans mourir. Oublie ça, man. Mais j'ai essayé Captain Silver, je pense. Ouais, Captain Silver, c'est bizarre. C'est là. Bizarre, Chris, mais c'est pas mauvais. Ça ressemble un peu à Shinobi, mais comme avec des pirates. C'est un peu awkward, c'est quelque chose. Il y en a plein des petites affaires demain. Kung Fu Kid, tu sais. J'explore ça, puis j'ai bien du fun. Puis je veux jamais me racheter un Master System. Je l'ai vendu, je trouvais que c'était de la merde. Ouais. Comme mon 64, tu sais. Ouais. Mais je me suis dit, je vais m'acheter un Sega Base Converter pour jouer à du Master System dans mon Genesis. Mais là, fuck it, avec l'Everdrive. Jouer là-dedans. Au moins juste l'essayer. Essaye Aztec Adventure. Ouais, je l'ai essayé. C'est space en crise. C'est comme un faux clone de Zelda mal fait. Mais tu peux acheter les ennemis en leur pitchant du cash, puis ils deviennent dans ton équipe, tu sais. Tout le monde est un mercenaire, fait que c'est malade, ça. Tu m'as parlé de Ghostbusters, puis je l'ai essayé. C'est le fun, c'est pas mal. C'est quelque chose. C'est vraiment bon. C'est la version définitive. Il y en a de la gestion là-dedans. Là. C'est ça. Stock à acheter, man, t'es stressé. Oh, fuck, exact. Il y a des Ghostbusters. Tout le monde arrive. Si t'as joué Atari ou NES, ou à l'ordi, c'est pas bon, là. C'est tout pas bon. C'est comme la version Atari. Sega Master System est la meilleure de tous. Il y a beaucoup plus de choses à faire dedans. Très, très bon. Rien à voir. La version de Genesis qui est un platformer 2D avec les. Tu sais, ça c'est complètement ailleurs, c'est aussi très bien. Ouais, fuck, il manque. God damn it, on n'a pas fait nos affaires. Ben Nick, vas-y, Nick. Ah, moi je vais dire vite. J'ai joué à LOL, mais oui, League of Legends, parce qu'il y avait des mods spéciales de Noël qui m'ont attiré, puis ils m'ont fait acheter des skins. Parce que t'es faible. C'est ça, je suis faible. J'ai joué à Street Fighter, j'ai reçu Tekken 7, je l'ai essayé. Oh, je vais te l'emprunter pour faire un tournoi au bar. Ouais, ok, c'est bon. Oui, je le fais. Ah, c'est bon. Mais j'aimerais aussi faire peut-être une critique un jour s'il y a un downtime. Ouais, j'ai pas fun. Mais j'ai bien apprécié, puis j'ai rejoué Street Fighter qui va ce soir. Ouais, tu vas-tu l'acheter? C'est déjà fait. Alors, tu l'as pré-acheté. Je l'ai pré-acheté, mais je l'ai acheté tantôt avant de venir sur le show. Fait que aujourd'hui, c'est l'Arcade Edition qui sort. C'est un DLC gratuit. Puis il y a la saison 3 avec des nouveaux personnages, dont Sakura. Ouais, ça, Beautiful là, Joe Sakura, est dans, c'est ouais, c'est un costume de Beautiful Joe, c'est ouais, pas weird, ah ouais, c'est, ouais, pas rapport. Qui est ce costume là? C'est Rachid, je pense. Ah ouais, ah ouais. C'est assez, Rachid Badouri rendu ouais, là-dedans. Ouais, exact. Ça n'a pas de sens. Sounds big. Et j'ai joué encore à Xenoblade Chronicles 2, j'ai avancé. Ouais. J'ai eu du fun, puis c'est pas mal ça. Ah, nice. Moi, justement, Segway, j'ai vu Nick pendant les vacances, puis j'ai demandé des trucs à Xenoblade Chronicles ouais, 2. Un tutoriel parce que j'ai continué, je comprenais pas ce que je faisais. Là, maintenant, enfin, je comprends ce que je fais. Puis j'ai joué énormément, j'ai dû passer à peu près une quarantaine d'heures dans Xenoblade, donc j'ai vraiment du fun à ce jeu-là. Sinon, j'ai joué aussi à Battle Chief Brigade, qui est un jeu qui mélange un brawler puis un match tree avec un jeu de cuisine. Fait que ça, c'est pas assez pour vous intéresser. Ah ouais, allez voir le trailer. C'est magnifique. Wow. Ouais, c'est super beau, puis ça a vraiment le look JRPG. Ah ouais, ouais, c'est bizarre. Ça a un look DeviantArt, moi, je trouve. C'est ça. DeviantArt, the game. DeviantArt. Deviantco. Hack and slash culinaire. Ouais, ouais, c'est manque exact. Des furries. Hack and slash culinaire. Furries. Il y a aussi Aces of Luftwaffe Squadron qu'on a joué dans le pre-show. C'est comme un genre de 1942, vraiment le fun. J'ai aussi fait mon deuxième playthrough de Wolfenstein 2 qui est malade. L'histoire a été cœurante. Il n'y a pas de moment cringy. C'est vraiment drôle. Il y a... J'ai joué à Blossom Tales, comme vous avez vu ma critique tantôt. J'ai joué pas mal à ça. Puis sinon aussi, j'ai avancé ma game de Hub parce que malgré le fait que j'ai capoté ce jeu, je l'ai pas fini à 100%. Je vais le terminer. Puis c'est ça. Puis je me suis reparti une game d'Uncharted parce que j'avais besoin de mon fixe d'Uncharted. Puis j'ai réessayé de jouer à Bloodborne, mais c'est finalement vraiment, vraiment et vraiment pas fait pour moi. Oh. Fait que je baisse les armes, puis j'accepte. Comme un cave de pas aimer Bloodborne. Faut faire ça des fois. Maintenant. C'est assez beau, Bruno, pour te le mais c'est parce qu'il y a vraiment une. Fait ça avec Assassin's Creed, là, sans manquer de respect. Ouais. Là. J'ai pogné le 2, je me suis dit, quel jeu incroyable que tout le monde chie ouais. à terre avec le personnage, ouais. tout. Là, man, je courais ces toits d'église, je tombais à terre, puis là, j'ai. Ah, fuck it, man. Ouais, j'avais essayé pour vrai, là. Ouais, pas j'ai travaillé fort, puis comme j'ai pas. Ouais. Triste, j'ai pas embarqué. J'ai vécu la même expérience que toi. Avec le 2 aussi. Exact. Mais des fois, c'est ça bon, qui arrive. C'est ça. Tout le monde aime t'étais quelque pas chose. Sur deux. C'est correct. Puis là, t'étais tu dis, admettons que toi, t'aimes pas ça ou que t'as moins aimé ça. Puis là, le monde capote. Comme, comment ça se fait qu'il y a du monde qui aime pas Mass Effect? Ou comment ça se fait qu'il y a du monde qui aime pas Mario Bros? Comment ça se fait qu'il y a du monde qui aime pas Wolfenstein? Qui aime pas Wolfenstein? Non, j'ai pas aimé Wolfenstein. Je le sais, frère. Mais les goûts sont dans la nature. Exact. Oh. C'est bien ça. Donc, sur ces sages paroles. Nicolas va nous parler de Arena of Valor. Exactement. C'est quoi ça? Bon, donc, je vais parler Arena of Valor. Ça, c'est un jeu qui a été développé par Timmy Studio Group, publié par Tencent Games, disponible sur iOS, Android. Yeah. Et c'est comme le Tengen des pauvres. Ouais, attendez. Ça va être un jeu disponible sur la Switch parce que ça a été annoncé en septembre. Donc, c'est qui Tencent Games? C'est les gars qui ont acheté, c'est une firme chinoise, ouais. League of Legends, Riot Games, il y a quelques années. C'est genre okay? le plus gros, là. Ouais, c'est ça. C'est tout ça. Le mobile chinois, tu sais, genre, il y a des milliards c'est en ça. Jeu. Eux, c'est eux qui sont les... pas mal les big boss de tout ce qui se passe. Je pense qu'on est dans le top 5 des compagnies. Ah, c'est, pense que c'est pas mal. Ils ont les revenus. Ouais, moi, j'ai vu des stats. C'est pour ça que je faisais un peu la blague. C'est qui ouais. ça et tout. Là, mais c'est parce que c'est vraiment un monstre du jeu vidéo, c'est... mais qui est assez méconnu. Ils sont méconnus parce qu'ils sont beaucoup présents en Chine. Puis, tu sais, là, ils commencent à envahir, on pourrait dire comme ça, le marché de l'Ouest. Et tu vois, dans le fond, ce jeu-là, c'est en fait une adaptation du jeu King of Glory, qui comptait 200 millions de joueurs actifs par mois en Chine. 200 millions. Prenez une seconde, ça. Pensez à ça. Actifs, là. 200 millions actifs par mois. Shit. Alors, ça, c'est en juillet 2017. Là, maintenant, ils ont un petit peu changé le concept. Il a fallu qu'ils américanisent et européanisent les champions parce que c'était très, très folklorique chinois. Fait que c'était pas très winner sur le... pour vendre de façon internationale. Alors, ils ont un petit peu refait le jeu, mais ça reste la même mécanique. En gros, c'est quoi ce type de jeu-là? C'est un... MOBA! Malade. Là, vous vous demandez, c'est quoi un MOBA? Puis tu sais, à chaque fois que vous entendez MOBA... au bureau, dans une conversation gamer, tu sais, à côté de la machine à café, tu sais, vous faites « Ah oui, MOBA! » Puis là, vous prenez une petite gorgée de café en souriant, mais vous savez pas c'est quoi vraiment. Puis je vais l'expliquer pour tous ceux qui savent pas c'est quoi ça. En réalité, ces imbéciles de bureau, là. Ça veut dire multiplayer online battle arena. Et les jeux dans ce style-là qui sont très très populaires, c'est League of Legends, c'est ça que ça veut dire. Dota 2, HOTS, qui est le jeu de Blizzard en fait, Heroes of the Storm, et Smite. Donc ça, là, c'est vraiment là, la gros e-sport, la compétition, c'est ça qu'on parle. Il y a eu 2-3 tentatives de faire des MOBA mobiles, mais j'en ai essayé quelques-uns, puis ils n'étaient pas satisfaisants. Fait que là, ensuite, je rentre dans ce jeu-là. Batman? Batman là-dedans. Ouais, OK. Ben là, vous me forcez à parler de Batman. Dans le fond, ils ont fait un deal. Ils ont fait un deal avec DC Comics pour obtenir les droits de Superman, Batman et de Joker. OK. Tourne vos mires. Là, je vois mes compatriotes qui dégueulent présentement parce qu'il y a trop de choses à l'écran. C'est pire qu'à mon bureau sur Windows. Même pas le jeu, est-ce-t-il? Et si je vous disais que c'est une version casual et facile d'approche d'un MOBA? Je regarde du e-sport, je vois tellement de facteurs à surveiller à l'écran. Hein, Donc, c'est ça. Dans le fond, là, ce jeu-là, là, on va se le dire pour vrai, c'est une copie de League of Legends. Ils l'ont pogné puis ils l'ont strippé un petit peu pour que ça soit plus facile sur mobile. Mais ça reste là, vraiment à la base le même jeu. T'as un mode 5x5 classique qui est littéralement le Summoner's Rift sur League of Legends. T'as le 3x3 qui est le Twisted Tree Line. 5x5 de type Aram, genre une grosse ligne où tout le monde se bat. Ils ont rajouté un mode spécial qui est genre un mode crochetage où t'as un crochet puis tu veux juste accrocher le monde et les battre. Fait que dans le fond, le but de ce jeu-là, c'est t'as différentes lignes et tu dois aller briser, dans le fond, le nexus de l'autre équipe. Fait qu'il y a des tours qui protègent. C'est un peu comme c'est les tours qui vont attaquer automatiquement comme dans un tower defense, si on veut. On contrôle un champion qu'on voit à l'écran ou un héros dans le cas de ce nexus, jeu. Ça, le nexus, c'est-tu comme le plexus? Non, mais c'est... Ben, si... Oui, parce que c'est un point vulnérable. Fait que je te frappe dans le plexus solaire, tu vas avoir de la douleur et du dommage. En fait, ce qu'on veut faire vraiment, c'est ça. Faire du dommage. J'ai compris pourquoi le Nexus bar s'appelait Nexus. Mais tout à fait. Il y a des Nexus dans les jeux. Exact. C'est le gros diamant qu'il faut péter, là, qui est comme dans la base du monde. Ben, j'ai une question valide. Ouais, allez-y. si t'arrives devant un ennemi justement puis tu frappes, est-ce que c'est tes skills au bouton qui vont t'aider à le battre ou c'est juste ton bonhomme à quel point il est levelé? Non, mais c'est c'est un mélange de skills au bouton, de level up puis de séquence de move, tu sais, parce que exact. Ouais. Non, c'est ça, mais je pensais que c'était à la Diablo, genre tu passes un bouton puis that's it, tout ça fait tout seul. Ça se fait tout seul, mais t'as certains moves qui vont pouvoir peut-être te stunner. Mais là, tu fais un deuxième move qui, si t'es stunné, va faire plus de dommages. Ah, OK. C'est quand même une séquence. C'est quand même... imaginez que vous jouez à Warcraft, mais vous contrôlez un seul unité. Là. Ouais, c'est peut-être une belle analogie pour ceux qui sont pas familiers. Ouais. Là. Fait que, dans le fond, ça... comme le commando à Command & Conquer. Oui. Tout à fait. C'est une belle... Encore une fois, merci. Je suis juste surpris que t'aies pu faire une référence exacte à Command & Conquer. Là. Écoute. Fait que, grosso modo... Je suis plein de surprises. Surtout dans mon pantalon. Je vais faire un shout-out à Damien Boudreau, qui est un Elite Gamer, et Eric Hébert, du Geek Collectif, que j'ai joué avec eux autres en ligne. Ça s'est bien passé. Vous êtes couché tard, hein? On s'est couché vraiment tard, puis j'ai regretté le lendemain à job. Mais bon. Mais là, vous avez tous joué à ça sur vos téléphones. Oui, oui. Fait que là, ça, c'est mobile. C'est un téléphone. Et c'est magique. Honnêtement, là, c'est très, très fluide. Ça va bien. Il n'y a pas de lag perceptif. Et il y a même un chat qui ont entré dans le jeu. League of Legends n'a même pas ça. Là. Même, fait que tu peux jaser avec ton monde dans ton équipe. Ça se passe vraiment bien. Ce jeu-là, il y a beaucoup de choses qui fait très bien. Comme par exemple, vu que c'est mobile, tout est un peu plus petit, il y a du auto-targeting de ton champion. Fait que ça se passe vraiment bien. Fait que c'est vraiment une expérience mobile de luxe. Est-ce que c'est gratis? C'est un free-to-play, donc c'est gratis. Mais il y a aussi... en fait, ce jeu-là te récompense quand même assez bien. Tu sais, imagine c'est un mélange entre un MOBA et il va aussi te donner plein de trucs, comme un jeu de cartes gratuit, comme Hearthstone. Fait que quand tu joues, tu te logs 2 jours de suite, il te donne un cadeau. Il va te donner un héros. Tu te logs 3 jours de suite, il te donne un cadeau. Tu prends des niveaux, il te donne des cadeaux. Fait qu'il te donne un paquet de cadeaux. Okay. Mais ultimement, ces cadeaux-là sont vraiment bien. Puis si toi, t'es un joueur casual, tu vas pouvoir avoir plein de plaisir gratuit puis pas payer une scène. J'ai une question peut-être un peu niaiseuse. Y a-tu un mode hors ligne? Genre, tu peux jouer à ça dans le métro? Tu peux jouer contre des bots? Non, c'est toujours en ligne. Tu peux jouer contre des bots, en fait, mais il n'y a pas de mode en ligne. Hors ligne, en fait. C'est purement tout le temps connecté ses serveurs parce que quand tu as des récompenses, il faut être certain que tu fais le check avec le serveur. Ouais, c'est ça. Et grosso modo, c'est très bien fait. Il y a des équipes de 5. Vous allez, ceux qui sont habitués à jouer à League of Legends ou n'importe quel MOBA, il y a quelque chose qu'on appelle le méta. Qui veut dire que... Oups, ça n'a pas marché mon fade-out. Ça faisait tellement périsse, là. Qui veut dire... Ouais, c'est ça. Bon, on peut-tu l'enlever, l'écran? Le méta, dans le fond, c'est chaque... C'est bon, je l'avais. Ah, les Patreons, ils savent où passent leur argent. Ouais, c'est ça. Tout ce qu'il fait. Le méta, c'est chaque personne dans une équipe de 5 a un rôle à jouer. Quand vous jouez à un niveau un peu plus bas, personne ne sait quoi faire. Tout le monde se ramasse dans des tapons. Puis finalement, tu n'as pas l'expérience optimale que tu vas avoir dans un niveau beaucoup plus élevé avec du monde qui sait jouer. Fait que, attendez-vous à si vous êtes des expérimentés de ce type de jeu. Quand vous allez commencer, il va y avoir du monde qui ne sait pas jouer. Puis c'est correct. Si vous ne savez pas jouer, c'est parfait. Cet environnement-là va vous sayer. Mais à un moment donné, il va y avoir une séparation entre les gens qui jouent intensément puis l'autre. Mais c'est un jeu qui a un potentiel compétitif. C'est vraiment le fun. C'est vraiment comme un petit League of Legends on the go. Ben, c'est ça. Les points un petit peu moins intéressants, en fait. Faut que j'en parle. C'est clairement un rip-off de League of Legends. Ils sont pas forcés tant que ça. Puis ils ont aucune chance de se faire poursuivre en justice parce que Tencent, c'est la même compagnie qui publie les deux. T'sais. Ça n'a pas été développé par Riot Games. Faut faire très attention. Mais c'est quand même la même compagnie mère qui publie les deux. Et grosso modo, ça manque un peu d'originalité au niveau des héros, tu sais. C'est pas des... T'sais, c'est le personnage que tu joues, puis il y en a pas qui te font le petit... ouais, lui, il est cool. Ouais, il y a Batman qui est cool, Superman, puis Joker, mais là, ils sont pas encore sortis en Amérique du Nord. Mais ce monde-là, tous les autres personnages sont comme génériques. T'sais, c'est comme Tu reproches les mêmes affaires que j'ai reproché à mon jeu. Le voleur, le chevalier, la nymphe. Clairement, Monsieur Gemus va pouvoir faire le même commentaire. Il manque d'inspiration, mais... On le pardonne parce que le jeu est vraiment amusant. J'ai eu énormément de fun, tu sais. Ouais. Je vois qu'il y a des petits bémols à ce jeu-là au niveau de... Ça peut coûter très cher au niveau compétitif, tu sais. Ouais. Il y a comme une cinquantaine, une quarantaine de... J'y parle de 4 minutes et il me regarde. Ouais, écoute. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a plein de héros, mais avoir tout... Là-dedans, il y a un système de runes qui va coûter très cher. Si vous voulez jouer compétitivement, vous allez mettre des sous là-dedans. Si vous voulez jouer gratuit, vous allez trouver une super belle expérience. Mais ça reste un free-to-play. Moi, je vous dis, hey, allez-y, essayez-le. Je vais l'essayer, mais vas-tu passer pour une mauviette si je joue à celui-là plutôt qu'à Dota? Ouais. Ben, oui. Parce que tu peux pas jouer à Dota sur ton téléphone. Fait que, tu sais, c'est un autre point. Tu peux jouer à toutes sortes d'endroits. En faisant caca. De façon assise, comme tu veux. En faisant alors, caca. C'est ça le gaming en 2018. Mais grosso modo, je vous recommande, essayez-le. Excellent jeu, j'ai eu du fun. Je vois un potentiel compétitif et je veux juste parler de ça. Là. Ouais, il y a un système punitif de AFK, ceux qui sont pas à leur bureau, qui est vraiment merveilleux. Ça, c'est un des gros faiblesses des jeux en ligne. T'as un gars qui s'en va aux toilettes, puis il laisse le jeu, puis toi, t'es une équipe de. Là, tu tombes à 4 contre 5. Et là, il est puni instantanément. Et toi, comme joueur, tu dis, tu reçois une notification que ce joueur-là a été puni. C'est magique. Ah, wow. Ça, là, j'adore ça. Tous les autres MOBA devraient prendre un exemple là-dessus. C'est excellent. Pour les raisons du fait que c'est un rip-off peu original, mais extrêmement amusant, j'y donne la note calquée sur Bruno de 8 sur 10. C'est ça, je te le dis, les développeurs vont nous écouter, ils vont juste faire des copies. Chris, on va avoir un 8 pareil. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais Krim, si le jeu est bon, il est bon, Chris. il est bon, il est pas original, tu sais. Ouais, fait un job, tu sais. Je vous encourage à le télécharger, c'est un free-to-play, donc gratuit. Oui. Si vous n'aimez pas ça, vous le délitez, puis ça finit là. C'est bon. Combien de jeux sont copiés sur Mario Bros, Christian Gaiden, puis... Christian Gaiden. L'autre, là, Megaman. Ouais, mais il y a Lucky Leprechaun, qui est un horrible clone. Castlevania, Krim, si j'entends Metroidvania une autre fois dans le prochain mois, je vais capoter. Tout le monde fait des estimes Metroidvania partout. J'ai fait mes impôts en Metroidvania, moi. It's a roguelike RPG, man. Rends-toi à la totally case 110. Oh, ça te prend la formule O. Hey, c'est Jean-François, on va y aller. Hey, Nick, tu as monté ton t-shirt à l'écran. Jean-François. Ouais, je vais juste montrer quelque chose. Nick, il voulait montrer son beau chandail à l'écran. Ah ouais, attention. Ah, c'est pas beau, ça. C'est Akuma, ça, hein? Exactement. Oh. Ça, c'est un segment très bon pour le monde qui sont en audio en ce moment. C'est ça, exactement. Ben oui, je vais aller voir ça avec le symbole. Oui, le cube et aller voir. Ben ouais, regardez ce qu'on fait en vidéo. Heaven, d'accord. C'est facile, c'est partout. Bon, avant la pause, je vais faire ma critique d'un jeu VR. Fait que je retourne dans l'univers du VR. Aujourd'hui, je vous parle du jeu qui s'appelle Space Pirate Trainer, qui est développé et publié par iIllusion Games. C'est disponible sur HTC Vive et Oculus Touch. Ce jeu-là a été qualifié du Galaga du VR et je suis excessivement d'accord et je vais vous montrer pourquoi en fait. C'est un jeu de shooter, donc c'est un wave-based shooter, Bullet Hell, donc un jeu à vague d'ennemis. Bullet Hell, je ne le traduirai pas, là, mais on est sur une plateforme et puis devant nous, on a des ennemis qui vont monter en vague et puis le but, c'est de les tirer et puis c'est ça le jeu en fait. Donc, c'est complètement débile. Tu te sens comme un total badass dans ce jeu-là. Tu as un range d'environ 180 degrés que les ennemis vont pouvoir se promener autour de toi. Fait qu'autant en haut que sur les côtés, c'est quand même un genre de corps de bulle, mettons. Là. Les commentaires qu'on voit à l'écran en ce moment sont très, très vrais. Donc, Han Solo de Galaga, winner. Hey, donc, like Han Solo in Galaga, c'est malade comme quoi. C'est tellement ça. You feel like a freaking badass, c'est ça aussi. On va être Ready Player One, cette affaire-là. Donc, dans chaque main, t'as le choix d'avoir soit un fusil ou un genre de bâton. Le bâton a deux options, soit qu'il peut te faire un bouclier ou qu'il peut te faire un genre de lasso que tu peux attraper les ennemis, puis que si tu vas les soigner à terre, tu vas les crasher dans la plateforme sur laquelle que tu trouves. Je le fais au début, je le fais pas plus loin, plus ça avance, parce qu'à un moment donné, je vais me blesser, c'est sûr et certain. Je suis ben trop violent avec les whips. Là. Tu veux t'arracher les bras pour les smasher, les ennemis. Mais bon, les guns, plusieurs modes sur le trackpad, tu peux changer le type de fusil. Je prends... là, on me voit, en fait, c'est la mitraillette, c'est le mon gun de prédilection, en fait. Est-ce que j'aime ça, voir Jerome Vion? Écoutez la version vidéo. Ben, j'essaie de montrer un peu ce qu'on a de l'air en même temps quand le jeu se joue. C'est incroyable. Il est accroupi. Préparez-vous à faire beaucoup de squats dans ce jeu-là, parce qu'il faut éviter les balles qui vont venir vers nous autres, puis ça vient bullet hell, comme je disais, donc c'est vraiment... compliqué, puis quand les balles s'approchent de nous, ça va ralentir un peu, il va y avoir un son quand la balle va être vraiment, vraiment proche pour qu'on sache quelque quoi qui s'en vient. Ah ouais. Ça vient difficile rapidement parce que les ennemis, comme je disais, vont aller à gauche, à droite avec des patterns différents, tu sais pas trop son où. C'est plein de power-up dans le jeu, là je viens de d'ouvrir des genres de shield devant moi. Fait que tu peux avoir des guns différents, tu peux avoir des augmentations de tes fusils, tu peux avoir des shields comme ça à gauche et à droite derrière lesquels tu peux te cacher comme je fais en ce moment à l'écran, puis j'ai de l'air vraiment ridicule. Je rêve tu ou tu peux ralentir le temps? Le temps se ralentit quand la balle vient vraiment, vraiment proche de toi. Automatiquement, c'est comme pour te dire, il y a quelque chose qui va te pogner, fais attention, tu sais. Bon, le shield qu'on voit en ce moment de deux côtés se détruit à force que tu tires dedans ou que tu te fais tirer dedans. Fait... comme dans Space Invader. Et voilà. C'est vrai. C'est pas pour rien que t'es fit, toi. Regarde-moi ça, toute l'action dans ce jeu-là. Toi, où tu squattes puis tu fais tes affaires. Je me tenais la bédaine solide dans ce stream-là. Moi, l'entraînement au YMCA, je m'achète du VR puis je me perds. Vraiment, hein? Bien plus le fun. Mais tu peux t'entraîner solide avec du VR, honnêtement. Tu mets des petits pouces sur tes bras puis t'es correct. Il y a des jeux de boxe, tu sais, que de la musique qui c'est assez intense. Ah là. Ouais. Mais celui-là, là, il est vraiment fantastique. Il y a des boss fights. C'est une belle variété d'ennemis. C'est très le fun. Il n'y a pas grand chose à dire autre que ça parce que le jeu est quand même simple. Là. Un shooter comme ça, c'est simple. Mais il est bien exécuté. Tu te sens vraiment là, comme un king. Puis ça, c'est le défaut de streamer aussi. C'est que t'as le goût de faire des moves de badass, mais tu sais que dans la vraie vie, t'as juste l'air d'un imbécile avec deux bouts de plastique dans les mains. T'sais. Tu vas te faire mal. Ah ouais, là, tu voulais faire des. Moi, j'ai juste sorti mes guns. Tu voulais faire des catot guns. Je suis bon de faire des flips dans mon bureau. Ah non, mais pour vrai. John Wick. Équilibrium. Équilibrium, exact. Genre, ouais. Mais ça vous prend ce jeu-là si vous avez un jeu de VR dans votre kit de base, en fait, là, votre top 5 des jeux à avoir, cela en fait partie. C'est excellent, j'ai vraiment pas grand-chose à y reprocher, honnêtement. Combien ça coûte? Celui-là, bonne question, je pense que je l'ai payé 15$ peut-être. Ah, là. C'est parfait. C'est pas cher, man. Ça, c'est un mode de jeu. En fait, là, les genres de shooters comme ça, Wave Base, il y en a plusieurs en VR. J'en ai essayé une coupe. Celui-là, c'est vraiment le meilleur. Et pour toutes ces raisons, je lui donne la note de 9 sur 10. Oh. Ah, bah, tu donnes le goût. Pour vrai, là, c'est je veux... goût. Dès que j'enlève le divan d'ici et qu'on puisse faire le pre-show en VR, je vais vous le faire essayer, celui-là, dans la première fois. Ouais, vraiment. Je suis pas sûr que j'ai le cardio requis pour ça. Là. Bon, on bouge pas beaucoup, en fait. Là. Moi, je me donnais pas mal là, parce que j'essayais de battre le score à Matt Bonin d'Ivan Quest pendant que j'étais là. Ouais. Fait que c'était ma motivation, mais sinon, tu restes dans un genre de 2x2, là, de 2x2 mètres. Sinon, si tu fais le mal, on mettra genre défibrillateur VR. Genre, on va te réanimer. Surgeon Simulator VR, toujours. Exactement. On peut le faire. Ouais, c'est vrai. Ça existe-tu pour de vrai, ça? Ouais, ouais. Ouais, ouais, je l'ai. C'est un de mes jeux préférés. Je l'ai, c'est vraiment, vraiment Surgeon weird. Simulator, là, c'est ceux qui ont jamais joué à la maison. Là, c'est un jeu magique. En VR, c'est fun parce que tu peux prendre les intestins et les garocher. Ben oui, c'est ça. Ce que tu fais tout le temps, finalement. Ce que tout bon médecin qui se respecte fait. Et voilà. Fascinant. C'est all tout. Right. Fait que sur ça, on va aller faire une petite pause. Yes. Ouais. Et puis, on vous revient avec une tonne d'affaires. Ben du rétro. Après la pause. Ben du rétro après la pause. Pour ne rien manquer de rétro nouveau et pour communiquer avec nous, suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez écouter Rétro Nouveau en direct sur Twitch, en différé sur YouTube, via votre ordinateur, votre mobile ou même votre console. Bien sûr, vous pouvez nous écouter également en balado via iTunes, Google Play, Stitcher et RZO. Yes! Ah! OK! Fait on repart en force! Mais un gros nice. Retour, là! Chip fraîche et tout. C'est vrai. Ils descendent vite à soi, des les chips. Des nouvelles d'ailleurs. Chips. Ouais, j'ai c'est pas hâte demain matin. 2018, j'aurais pas envie de déjeuner, il fallait que je déjeune pareil. Des jeunes aux chips? Pas obligé de déjeuner. Dans ce temps-là, tu skippes la toast, tu prends juste du beurre d'arachide avec tes doigts. Alright, OK. En robe de chambre dans la cuisine. Sur ces conseils de Ricardo, je vais enchaîner, les gars, parce qu'on est déjà en retard. On est en retard. J'ai un gros bloc, parce qu'à soir, je fais un spécial. Je fais 5 critiques en 5 minutes. Alors, pourquoi je fais ça? C'est que j'ai recommencé dans le temps des fêtes à streamer sur Twitch. Ouais. Par contre, dans mon setup actuel, en ce moment, je peux pas mal juste streamer du Sega Genesis. C'est assez spécial. Mais là, maintenant, j'ai rapporté ma Super NES Classics à la maison. Fait que je peux aussi jouer au jeu sur la Super NES Classics pas craqué. Good. Donc, good, et aussi, good. La raison pour laquelle je suis retourné sur Switch, c'est qu'en fait, avec nos amis, notre petite gang de tripeux, on s'est dit cette année qu'on allait se faire un challenge Sega. Donc, tout jouer à tous les jeux qui se jouent sur Sega Genesis, puis essayer de tous les faire. Quand on dit ce qui se joue sur Sega Genesis, c'est Sega Master aussi. Sega Master System aussi, Sega CD, Sega 32X, bref, tout ce qui peut être un cossin que tu branches dans ton Sega. Ouais. Genesis. Genesis. Tout ce qui se branche sur un Genesis. Il n'existe pas le Master System, il y a juste le Sega. Les autres Sega. Le Sega. Puis bref, l'année passée, on avait fait ça avec Nintendo aussi. C'était pas mal le fun. Fait que là, c'est une nouvelle affaire. Mm-hmm. Puis ben c'est ça. Moi, dans le temps des fêtes, j'ai eu le temps de faire 5 jeux. Donc, je me suis dit que j'allais là, vous en parler. Tu vas tous nous les brûler pour l'année. Avec... Je vais tout brûler ces sujets de rétro nouveau. Exactement. Commence, les gens demandent, c'est quoi ton channel Twitch? Mon channel Twitch, c'est vrai, je l'ai écrit en plus comme un gros épais, puis je l'ai pas dit. Alors, premièrement, je suis souvent rediffusé sur Rétro Nouveau quand on n'est pas moi puis JF en même temps. Mais de toute façon, quand JF est live, je le regarde, je suis pas en train de jouer. Ah ben, oui. Tu vas être sur le site là, dès qu'on arrange ça. Ouais, on pourrait être en simultané sur le site. Sinon, là. Mon Twitch, c'est ben, www.twitch.tv. Petite barre. L. Jimuzio. E-L-G-E-M-U-S-I-O. C'est un nom-là, il n'est jamais pris nulle part, c'est tout le temps moi. Si tu vas à quelque part, c'est écrit Jimuzio, c'est moi. Il n'y en a pas d'autres. Ah, mais on n'aime pas ça, ce mot-là. Personne se rappelle de ça. Ouais. Je le poursuis. Bon, excuse-moi, mais mes amis du secondaire s'en rappellent, eux autres. Okay? Ouais, mais là, ils sont plus là. Ils sont plus là. Mort dans le caniveau. Bref. Alors, là, je partir mon chronomètre personnel parce que là, il y en a en crise. Alors là, on part ça, le 5 minutes de bloc. Ah ouais, avec une minute ça, chacun. Maintenant. Go. Alors, premier jeu que j'ai passé, c'est Go. Castlevania Bloodlines, un jeu que notre ami Dominique ici avait parlé. Donc, je vais pas trop rentrer dedans, mais moi, personnellement, c'est un jeu que j'ai beaucoup de bons souvenirs. Ah, il est quand bon. J'étais ado, j'avais loué ce jeu-là. Il y avait du gros blood dans Castlevania. Moi, ça me faisait pas mal capoter. Ce jeu-là, comme Dom, il nous en a parlé, il y a vraiment une ambiance visuelle assez unique. Bon, la musique, moi, je l'adore. Je trouve que c'est dans les meilleures musiques au Sega Genesis. Excellent. Puis les contrôles de ce jeu-là sont vraiment parfaits. C'est un Castlevania classique, mais avec juste assez de finesse dans les contrôles pour que tu sois capable de bien jouer. Tu sais, c'est pas aussi stiff que les Castlevania au NES, puis t'as pas besoin de toutes les frivolités inutiles de Castlevania au Super Nintendo. C'est juste ah, là, t'es du bon Konami. Là, pis, t'es dur envers Castlevania 4. Je suis très dur, mais j'aime pas beaucoup Castlevania 4. Ouais, je sais, vous autres, donc, là, les puristes. Donc, tout est vraiment top-notch là-dedans. Là où est-ce que c'est un peu plus... Warriors puristes. Là où c'est un peu plus difficile, c'est dans le level design. Dans le level design, c'est un peu chiant. C'est vraiment là que le challenge du jeu y est. Les niveaux sont pas mal tough, puis c'est un peu... des fois, c'est un peu... tu vas vraiment gaspiller bien des vies vers la fin. Par contre, ce qui est le fun, c'est que les boss sont assez faciles à comprendre. Je dirais que Dracula, c'est pas mal le Dracula le plus facile de toute l'histoire des Dracula du jeu. Donc, bref, c'est quand même le fun à jouer. T'as deux personnages dans ce jeu-là. Là, en ce moment, on voit Eric Lecard. Lecard. Vous verrez dans Portrait of Rue. Exactement. Donc, pour toutes ces raisons, je lui donne un 8.5 sur 10. Yes. Un grand jeu. Next. Ouais. Le prochain, c'est Ristar, un jeu fait par la Team Sonic qui est arrivé à la fin du Sega Genesis. Un jeu, comme on peut le voir, qui a beaucoup, beaucoup de charme, qui est vraiment assez magnifique pour le Sega Genesis. On dit souvent que le Sega Genesis, les graphiques sont pas beaux. Ça, là-dedans, je dirais que c'est magnifique. Donc, le gameplay est quand même assez tight aussi, puis il est vraiment unique. Donc, les gars, ils avaient vraiment envie, je pense, de s'éloigner de tout ce qui était des affaires qui allaient vite. Donc, en gros, on a les bras qui s'étirent, on attrape des affaires. En 2017, c'était pas super cool d'attraper des affaires. Mais bon, Ristar, c'était un homme, il était avant son temps, il est un peu démoné maintenant. Donc, ce jeu-là est quand même assez facile. Ça a l'air d'un jeu pour enfants au premier regard. Mais je vous dirais qu'à partir du quatrième monde dans le jeu, ça commence à vraiment se gâter. La mécanique, quand même, n'est pas si évidente. Ouais, la mécanique est un peu difficile à manœuvrer. Puis c'est comme un twist sur Bionic Commando. C'est ça, mais c'est beaucoup plus serré que avec des couleurs de Joe and Mac. T'as pas de gun, c'est ça. Puis des pixels. Ça aurait dû être une des mascottes de Genesis. Exactement. Ça aurait pu. Ça a été une tentative, en fait, Bruno. Ouais, c'est arrivé trop tard. C'est un jeu qui est sorti malheureusement trop tard, mais bon, le jeu il est quand même assez facile, mais à partir du quatrième niveau, ça se garde. Regardez à l'écran, là, ça c'est comme le take de Sonic, là, de genre tu spins avec tes bras. C'est un jeu de bras, c'est un jeu d'attrapage de patates. C'est ça que je te dis, c'est un jeu de tripotage. Tu peux aller super vite avec ça. mais c'est un jeu qui vaut cher aussi. Hein, il a monté beaucoup en valeur. C'est pas commun du tout. Ça vaut, je pense, 120$ complet maintenant. Ça valait rien il y a pas si longtemps. Mais bon, bref, côté gameplay, c'est quand même bon, mais le level design vers la fin, ça se gâte. Il y a des labyrinthes, de l'eau invisible. Des affaires vraiment plates. Il y a un combat de balle de neige qui est particulièrement plate. Mais le dernier niveau, vers la fin, c'est une espèce de compilation de puzzles. C'est vraiment cool, ça. Puis le boss de la fin, il est le fun. Fait que overall, c'est un bon jeu qui gagne en valeur, comme on dit. Puis la version Game Gear de ce jeu-là est vraiment très bonne, d'ailleurs. Ça vaut la peine de l'essayer. Bref, pour toutes ces raisons, j'y donne un 7.5 sur 10. Oh. Alors, j'enchaîne rapidement avec Tiny Toon Adventures. Ça méritait un 8. Hein, ça méritait un 8. Non, je pense que c'est pas passez-le, messieurs, vous allez voir, la note est juste. Le web brûle. Tiny Toon Adventures, Buster's Hidden Treasure. Donc, un side-scroller qui est assez facile puis qui ressemble vraiment beaucoup à Sonic. C'est un peu drôle que la tour de Sonic parte en même temps. Parce que bon, les Tiny Toons au NES, Super NES sont quand même assez lents, à part au Super NES que tu peux comme crinquer genre une espèce de run à la mort, c'est ça. Ouais. Dans celui-là, c'est vraiment comme par défaut un peu à la Sonic. C'est un bon petit jeu qui est quand même assez complet, je vous dirais. Il y a une trentaine de niveaux à faire là-dedans. Fait que pour un side-scroller du genre, c'est quand même assez bon. Ça se passe quand même assez bien. C'est pas trop difficile. Un bon 3 heures, puis tu passes au travers. Les contrôles sont vraiment particuliers. Ah, c'est parce que le bonhomme en ce moment, il flash trop vite à l'écran. OK. On le voit pas, il disparaît. On le voit pas. Okay. Le taux de rafraîchissement. Mais tu sais, quelle sorte de power-up de merde. Bref, les contrôles. Fuck you. Les contrôles de ce jeu-là, c'est vraiment l'affaire qui est la plus spéciale. C'est que le saut du personnage est vraiment weird. Quand tu sautes, ça saute vraiment vite et très nerveux. Puis c'est un saut qui est basé sur le nombre de temps que tu tiens à enfoncer ton bouton de saut. Mais t'as jamais vu un bonhomme qui réatterrit aussi vite que ça. Ouais, parce qu'il descend fucking rapide. Vraiment, c'est extrêmement spécial. C'est très nerveux. Bref, c'est assez facile à passer. Il y a peut-être quelques niveaux vers la fin qui sont un peu difficiles puis c'est un peu chiant. Puis bon, le style visuel, Konami était vraiment bon sur Sega Genesis. Ah, vraiment? Moi, j'aime ça. Les bonhommes sont très fidèles au cartoon. Puis avec le fond un peu plus réaliste qui rappelle un peu le Made Painting, moi, je trouve que c'est un très, très, très beau jeu. C'est un peu facile. Ça se passe assez vite. Puis t'as pas tellement le goût d'y retourner. Mais tu sais, c'est un bon jeu, je pense, pour jouer avec ses enfants. Et pour tout ça, je lui accorde un 7 sur 10. Okay. Maintenant, ça a l'air d'avoir plus de fun. Des imbéciles, moi, parce que mes enfants, ils seraient jamais capables de jouer à ça. Ah non, ça se fait bien, tu serais surpris. Tu l'essaieras sur ton Everdrive. Pour des enfants. Tu l'essaieras sur ton Everdrive. Ouais. Le prochain, celui-là, là, j'étais vraiment content de jouer. Lords of Thunder sur Sega CD. Ça, Dom aussi en a parlé, mais c'était la version Turbo Duo. Moi, c'est la version Sega CD. Et là, dans ma tête à moi, cette version-là était moins bonne que la version Turbo Duo. Puis en checkant sur Internet, je me suis rendu compte que c'était pas mal le même jeu finalement. Puis c'était comme... La grosse différence, c'est que la musique est mieux mixée dans celui-là et tout. Puis il y a des graphiques qui sont un peu différents. Bref, la chose aussi qui m'a le plus surprise de ce jeu-là, c'est la difficulté. Donc c'est un schmop pour ceux à la maison qui n'ont pas les images. Puis ça a vraiment l'air intimidant au début, mais quand tu prends le temps de maîtriser, d'apprendre le jeu, comment il fonctionne, ça devient quand même assez facile puis assez complétable. Puis moi, j'ai utilisé les savoureux conseils de Dominique que j'appelle la technique boulette, qui est de garder mon argent finalement entre les rounds pour pouvoir m'acheter des continues pour arriver à la fin et tout, puis pouvoir tout investir mon cash sur des power-ups qui sont très utiles pour battre les boss. Et ça s'est vraiment fait comme dans du bar. J'étais même surpris quand j'ai fini le jeu. J'étais comme Chris. Ben, moi aussi. Je pensais pas que je t'avais. J'ai comme joué live dans un setup de pauvre devant le monde. Je vais vous montrer ça, ce jeu-là. Finalement, je l'ai fini. J'ai comme, ah ouais, Chris, ouais, c'est déjà fait. Puis bon, pour un jeu de ce genre-là sur console comme ça, malgré l'orgie de patente à l'écran, ça reste quand même assez fluide. Ils sont bien là, c'est les pas ennemis cool. sont drôles. Ah, les ennemis sont drôles. Ils ont l'air d'être tirés d'un vieux livre pour enfants fantastique. C'est un peu drôle. Les livres de héros. Sur son beam de métal. Mais tous ceux qui. Man, il était chez eux. Mais tous ceux qui ont un Sega CD, découvrir ce jeu-là. Il y a bien des gens qui savent même pas que c'est là-dessus. Ça vaut vraiment la peine de se le procurer. Ça... Soundtrack de metal. Ah, c'est magique. C'est du bonbon. J'ai hâte, moi aussi, de la refaire et tout. Et c'est pour cette raison que je donne un 9 sur 10. Wow! Excellent. Finalement, je termine avec un jeu qui est comme un peu ma fierté, finalement, de l'avoir complété. Ghouls and Ghosts. Alors, Ghouls and Ghosts, pour ceux qui... complété toutes les runs. Pour ceux qui connaissent pas Ghouls and Ghosts, c'est un side-scroller d'arcade de Capcom qui a été porté finalement sur Sega Genesis par Sega eux-mêmes parce qu'ils voulaient être certains que les gens puissent avoir l'expérience arcade sur la Sega Genesis à l'époque. Et c'est vraiment un excellent jeu. Ça, c'est vraiment ma version préférée de toute la série, je dirais. Les contrôles sont un peu différents des autres, comme t'as un jump unique. Par contre, tu peux tirer dans toutes les directions avec tes armes, ce qui fait vraiment une différence. Au Super Nintendo, t'as un double jump, mais tu sais, tu peux pas tirer tes affaires par en haut. Et surtout, Chris, que c'est lent au Super Nintendo. Celui-là, il y a presque pas de slowdown. Ouais. C'est vraiment extrêmement jouable. Ce qui est le fun aussi, les continues à l'infini quand tu joues en mode, je pense, training ou je sais plus trop quoi. Practice. Exactement, tu peux continuer à l'infini, puis tu sais, ça te permet d'être capable de bien passer au travers du jeu. Et évidemment, comme dans tous les bons Ghouls and Ghosts, t'arrives à la fin, puis on te dit ah, excuse-moi, ça te prenait l'item qu'il y avait dans le premier tableau, faut que tu recommences. Fait que tu la recommences, mais bon. Faut que tu les fasses deux fois à toute la gang. Faut que tu les fasses deux fois à hard, là. La deuxième fois, au début, j'ai rushé vraiment pour la refaire, mais j'étais comme, je voulais plus ma. J'étais comme, non, c'est pas vrai, je vais me rendre jusque-là, puis je vais arrêter. Puis finalement, dès que tu pognes le special weapon, là, l'espèce de patente, que tu tires des grosses boulettes finalement. Ben là, ça devient quand même assez faisable, puis c'est vraiment juste une question de se rappeler un peu où est-ce que les choses étaient, et bon, c'est un peu plus difficile quand même, mais c'est vraiment bien, c'est un jeu qui s'apprend bien, qu'on a beaucoup de plaisir à jouer. C'est vraiment un excellent port de la version d'arcade, je dirais que honnêtement, s'il y a une version du jeu à avoir, c'est celle-là. C'est pas trop cher, c'est excellent, beaucoup de replay value. C'est pour cette raison que j'y donne un 9 sur 10. Wow! Je m'avais été surpris quand j'avais joué à ce jeu-là, moi, parce que je l'ai fait. Là, j'ai eu un trade, là, j'ai fait un échange, j'avais eu ça. Je me suis dit, bon, c'est moins beau qu'au Super NES, on s'entend. C'est moins beau, pas mal de stock en background. C'est beaucoup moins beau, oui. Mais c'est plus fluide. C'est pas mal plus fun à jouer. Ouais, plus fluide, vraiment. Il n'y a pas de ralentissement, tu tires dans toutes les directions, t'es plus libre dans tes mouvements. Ouais. T'es plus à l'aise de jouer à ça. Puis moi, ça m'avait frappé. Cela. Votre pas tête cheap shot. Votre tête moderne est beaucoup plus prête à accepter le fait que le jeu est moins beau puis plus tight qu'à l'époque. Tu sais, à l'époque, on voulait du graphisme puis tout. Ah, c'est ouais, mais cette version-là avait l'air inférieure. Super Nintendo aussi, là. Super Nintendo est sorti 2-3 ans Super Nintendo, c'était là. Le cool kid quand on était jeune. Ouais, mais Genesis. C'était beau, là. Tu sais, ce jeu-là, il est plus beau, mais tout à fait. Super Nintendo, t'as des continues limitées, t'as des bains, des slowdowns. Les graphismes sont quand même beaux, mais tu sais, c'est... Mais c'était du early Super Nintendo. C'était comme un launch ou semi-launch title. C'est comme le même que sur Final Fight. Tu sais, il est pas pareil, sa boîte, là. C'est un petit carré rouge. Ah carré ouais. Ah oui, le Capcom USA. Là. Il me semble que c'est un launch title de Super NES. Mais C'était très au début en tout cas. Okay. Bref, grosse affaire. Venez me voir sur Twitch, abonnez-vous à la chaîne ou suivez Retro Nouveau aussi. Comme ça, quand je suis là, je vais le voir. Donc twitch.tv/LGMUSIO en un mot, ELGEMUSIO. Venez voir, jasez-moi. Hey, j'aime ça. Moi, je suis capable de jaser et de jouer en même temps. Moi, j'aime ça faire. C'est le fun. Tu sais, tu prends une petite pause des fois, tu regardes, t'es comme si tu jases avec du monde. Je l'ai fait en VR, moi, ça, jaser avec le monde. J'ai mis un petit logiciel sur mon poignet, je tourne ma manette puis je peux voir le chat Twitch. On est rendu là. En train de devenir un cyborg, Minority Report, c'est la prochaine étape. Connecté sur Internet en permanence. Voilà. Lawnmower Man, le but. Je voulais le dire, c'est sûr. Tu lis dans mes pensées. Ah, écoute, Nick, ça fait trop longtemps qu'on se connaît. On est comme... Yeah. Exact. Meta. Fait que là... Meta. Garde-les pour ma critique. Moi, je veux faire demain tout le long. Parce que j'étais prêt à la prochaine. Meta. On est off ce timing. Meta. Ça va... Et voilà, on enchaîne. On enchaîne. Fait que c'est ça. Je sais pas si Fred va être avec nous, mais ben ouais. C'est le début des aventuriers de l'or gris. Et cette semaine, aux aventuriers, on voulait vous parler du CCJVQ. Il y a eu une réunion récemment. Le 6 janvier! Ben oui, genre tout de suite après le temps des fêtes, là, quand t'as pas d'argent. Exact. Mais ça l'a ralenti personne parce que j'ai regardé des vidéos. Ah non, ça a roulé. Ça non, il y avait du monde en sacrifice. C'était ta première visite, Bruno. Oui, c'était ma première visite. À un meeting du CCJVQ. Exact. Comment t'as trouvé ça, Bruno? Il y a tout le temps quelque chose, Colin, fait que j'arrive jamais à y aller, puis j'ai bien aimé ça. J'ai aimé la camaraderie, j'ai aimé... Tout le monde était bien fun, bien sympathique. Il y avait des vendeurs un peu partout. C'était plus petit que je pensais, sérieusement. Ouais, c'était une nouvelle salle, il faut le dire. Ah oui, OK. Les organisateurs cherchent à toujours dénicher une meilleure salle parce qu'il y en a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur souvent. Puis, tu sais, des fois, c'est parqué à Montréal, c'est pas toujours évident. Puis c'est non, pas tout... je comprends. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur avec du matériel. Puis bon, c'est chiant de pogner dans les rues. Cette salle-là est vraiment très bien pour ça. Un bon parking, très accessible pour tout le monde, finalement. C'était au collège André Grasset. Exactement. Par contre, c'était la première fois que c'était organisé là. Donc, je pense qu'il va falloir réajuster certaines petites affaires. Mais malgré tout, je trouvais que tout le monde était bien chill avec ça. Oui. C'était comme... tout le monde était en mode les fêtes. Fait que tout le monde était bien relax. Le monde était pas nerveux, pas stressé. C'était ça comme, hey, on est poigné. Dans la salle. C'était un peu épeurant pour les germes. Mais... Les mains pâteuses, tout ça. Ouais, c'est ça. Tout le temps scrollé des poignées de main. Des poignées de main qui collent un peu. Ah, ouais. L'épidémie de gastro pis tout. Là. Ah. Mais non, moi j'ai trouvé ça extrêmement sympathique. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que, tu sais, c'est... Les réunions du CCJVQ, quand tu regardes ça de l'extérieur, t'es tout le temps... C'est tout le temps un peu intimidant parce que tu te dis, bon, ben... C'est pour un crowd, pour une petite niche de gens, puis l'extérieur est pas trop... C'est rendu qu'il y a tellement de monde. Mais il y a tellement de monde, sérieusement. C'est, cool. C'est comme aller c'est comme une foire. Je pense que le mot réunion devrait être revu parce que souvent, moi, la première fois que je suis allé aussi, je pense le mot réunion m'intimidait un peu parce que je me exact. Disais... Des gens qui se connaissent, qui se parlent de projets ensemble. C'est ça. On discute, mais là, c'est vraiment plus comme une foire, finalement. Fait que c'est techniquement, plus, c'est pas comme un get-together. C'est un get-together. D'un chat c'est un gathering. DRC de 98, ça. Exactement. Ça a évolué depuis. Okay. Ah ouais, mais au début, c'était ça. Ouais, c'est ça. Mais très belle organisation, c'est le fun. Puis on a fait des belles petites trouvailles. Ben ouais. Moi, entre autres, direct en partant, j'étais allé là, je voulais rencontrer le gars de Retro Modding. Qui est une petite compagnie qui modifie les consoles pour leur ajouter un écran, du rétro-éclairage ou d'autres particularités à certaines consoles rétro. Moi, je veux absolument avoir un Game Boy Color rétro-éclairé. C'est difficile à avoir. Là, je vois que Hyperkin essaie d'en sortir une version. Ah, on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir. Hyperkin, on dit que c'est pas c'est très bon non plus. C'est les fabricants du rétron. Là, c'est ça, exact. Ça, mais de toute façon, Retro Modding fait supposément de la très bonne job. Ouais. Donc, moi, c'est ça. J'en ai commandé un. J'ai très hâte de l'avoir. Je vais vous donner mes impressions quand je vais le recevoir. Donc, j'ai rencontré cette personne-là, très sympathique. Et puis aussi, moi, je me suis pogné un Sonic sur GBA. J'ai pogné aussi un livre du Game Boy. Je suis vraiment comme à fond dans le Game Boy, j'adore ça. Donc, j'ai pogné ça aussi. Puis, justement, je me suis promené aux alentours. J'avais plein d'autres affaires que je voulais m'acheter. Mais j'avais plus une scène. Puis, c'est correct aussi. Parce comme que moi, je passe toujours trop. Hey, mais sérieusement, j'aurais facilement dépensé 1000$ là-bas. Il y avait tellement de belles affaires. Là. Puis, c'est ça qui est le fun aussi à savoir. C'est que c'est pas juste des jeux chers ou des trucs comme ça. Il y a plein d'affaires. Il y avait du monde qui avait des guides. Il y avait du monde qui avait du memorabilia de jeux, des trucs de collection pis tout ça. Fait qu'il y avait un peu plein d'affaires sur les jeux vidéo que j'ai trouvé ça vraiment le fun de voir sur les tables et malheureux de pas arriver à m'y acheter. mais c'est ça. Vole-les la prochaine fois, c'est plus simple. Ah, non, c'est vrai, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Donne pas des idées au vol. Non, puis ils ont fait tirer des prix aussi. Ça, c'est il y a toujours beaucoup cool, de trucs. Moi j'aime vraiment cette réunion-là, elle passe trop vite toujours. À toutes les fois, il y a tellement de monde. Nous, en plus, on a une table, tu sais, avec Retro Love sur Facebook. Non, c'est vrai. non, mais c'est vrai, avec Retro Love, on passe notre temps à tout le temps parler avec du monde. Puis là, tu vois tes amis dans le coin. Cette année, c'était le fun. On s'est installé avec... on est encore près de Vincent. Moi, j'aime ça être proche du King Laniel. Là. On a toujours du plaisir. En plus, cette année... Les Power Chasers aussi étaient là. Ouais, ils étaient dans notre dos, dans nos fesses. Dans le dos. On est tous collés. Ils ont l'eau balé solide sur des jeux de PS2. C'est comme on avait un lot de PS2 japonais. Puis là, Carl et Max se sont amusés à nous l'eau baler. Là, ouais. Genre, je pense qu'ils ont ramassé comme 5 jeux, là, des Gradius, des affaires de même pour genre. Ils voulaient payer 5$, j'étais comme là, 10$ au moins, là, 5 jeux. Ah ouais. Mais tu sais, c'était des bons jeux quand même, un reste. Ben, Max Godbout, ben. Non, non, Max. Dej. Dej, ouais. Okay, okay. Ben, tu sais, c'était bien correct aussi, là. On leur avait dit que c'était pas cher, mais c'était comme. C'était un peu notre running gag, tu sais, si j'ai vécu, là. Sinon, moi, j'ai, ben, de mon côté, j'ai acheté quand même aussi pas mal d'affaires, je dirais, là. Bon, je m'en suis acheté un Sunset Rider au Super NES qui traînait sur une table vraiment pas chère, la table de Steven. J'étais bien content. On va pouvoir le revendre plus cher. Non, ça c'est l'affaire qu'il faut dire au CCJVQ. Si t'achètes des jeux pour les revendre, t'es vraiment un sous-humain. Ouais. Tu mérites pas le respect qu'on t'accorde d'exister. Ben, on finit donc, tout le temps par les trouver, pareil, là. Ouais. Puis, tu sais, comme à les mettre. Il y a du monde qui se sont fait mettre dehors, tu sais. Ah, ouais, ça arrive. Des revendeurs. Ouais, l'année la dernière fois, on s'est fait acheter des jeux qui se sont trouvés sur des wheels. C'est ça, ça c'était ça, particulièrement épais. Shit. Mais bon. Sinon, j'ai acheté. Brian avait un contrat CIB à vendre. J'étais comme. Moi, j'ai pas la boîte de contrat chez nous. Ouais. J'ai pas gagné ça. J'étais bien content. Certains. Sinon, le gros de mon dealing s'est fait avec le King parce qu'il était là. Puis, tu sais, le King, quand j'ai fait mon full set de NES, j'avais comme pas mal filé du stock en échange, vous avez fait la main. Puis j'ai tout regretté ces échanges-là. Fait que là, il restait seulement un jeu que j'y avais vendu. Ben, j'avais échangé en fait, que je voulais avoir. Et c'est le magnifique Troubleshooter au Sega Genesis. Et je pense ça, c'est la pochette, mon gars. Les filles là-dessus sont grillées comme dans les années 70. C'est extraordinaire. Des seins bananes. Des seins bananes solides. Mais. C'était un bon jeu, mais on dirait que ça m'avait pas accroché sur le coup, puis j'avais fait que Tokai, hein. J'avais vu l'opportunité d'avoir un meilleur jeu NES en échange. J'avais échangé au King, puis après ça, je l'ai regretté. Puis on pas de livret, par exemple, comme un paysan. Ah, je m'en fous, moi je veux y boire. Quand j'ai la boîte, je suis correct. Puis tu sais, j'ai reparlé au King avant la réunion. J'ai dit qu'il y a quelqu'un qui avait parlé du jeu, puis il m'avait dit ah, ben oui, je l'ai encore, si tu veux, je te l'amène. Fait que j'ai pogné ça, et il m'a ramené aussi un Air Zonk au TurboGrafx 16, que ça faisait un an qu'il m'avait oublié. Fait que là, il me l'a refait au prix d'il y a un an. Fait que ça, c'était gentil de sa part. Et puis finalement, j'avais ramassé pas longtemps avant la réunion un manuel de Earthworm Jim 2 au Super Nintendo. Wow. Puis Vincent m'a dit, je vais te l'acheter parce que j'ai justement une boîte et un Earthworm Jim 2 qui manque un manuel. Puis j'ai fait comme, hey, mais t'as pas, j'ai pas de. Sérieux? Moi, j'ai pas de boîte et de jeu Earthworm Jim 2 au Super Nintendo. Fait que je pourrais tout mettre ça autour de mon manuel. Fait que finalement, au lieu de vendre quelque chose, j'ai perdu de l'argent puis j'ai acheté ça. Mais tu le gardes. Mais je le garde, c'est ben oui. Beau, c'est une belle pièce. C'est ça. Sinon, un petit clin d'œil aussi, c'est vrai, Bruno nous avait approché aussi pendant les fêtes pour liquider, faire le ménage dans sa collection. Puis bon, nous, Retro dans Love. La boîte? Yep. La boîte de DS? Game Boy? Non, Game Boy, entre autres. J'ai vendu tout mon lot de Game Boy à Retro Love. Yes. Parce que j'ai maintenant un Everdrive de Game Boy. Ah ouais, OK. Dans le but d'avoir le Game Boy et l'Everdrive dedans, puis de taper ça, puis de jamais sortir ça. Fait que bref, on avait ça. En tout cas, nous aussi, nous avons vendu des PS3, plein d'affaires. Ben, dans le fond, nous, tu sais, on vend aussi en ligne. Fait que c'est pas toujours la crowd locale qui tripe sur le Nintendo. Des fois, en ligne, il y a d'autres affaires et tout. Fait que tu sais, on s'est entendu et tout. Mais par contre, dans la collection, évidemment, on pige toujours dans ce qu'on a acheté comme des lots parce qu'on est des mauvais vendeurs. Fait que tu sais, bon, ma Game Boy s'est grillée de quelques titres, notamment le Kirby Pinball Adventure. Ouais, tellement le fun. Contra au Game Boy, qui est vraiment le fun, ce contrat-là. Opération aussi, vraiment. Tu parles? Ouais, exactement. Qui est à la bonne vitesse pour que je sois capable de le passer. Ah, il y a le fun. Ah, j'aime ce jeu-là. Puis, ben c'est ça, c'est à peu près ça, le CCJVQ de mon côté. Moi, j'étais pas là, j'ai raté. Ouais, j'ai risqué ma vie sur les routes des cantons de l'Est en direction Cowansville pour un tournoi de hockey. Man. Samedi soir et vendredi soir et samedi matin. Man, c'était ridicule. Ça doit, Cowansville. Ah, sérieux, là, hockey mineur. Quand là, ils vendent, là. Questionnez-vous avant de faire des enfants. Là. Le hockey mineur existe et vous serez esclave de ça au péril de votre vie. Et puis, je l'ai raté. Par contre, j'ai fait faire mes commissions à Michael Larouche. Pauvre Larouche, fait toujours les commissions de tout le monde. Ben non, habituellement, genre, c'est Joe Brochu, mais là, j'ai envoyé ça à Michael. Parce que je me suis dit, il habite proche de chez nous, fait que je vais aller chercher mes affaires. Ouais, c'est plus facile, hein, c'est... Mais mes affaires dorment chez eux encore. Okay. Mais j'ai un Zelda 2 Link, Adventure of Link complet dans sa boîte. Ouais. Deux upgrades de NES, tout à fait, pas grand-chose. Puis c'est bien correct. Je ralentis. Vraiment, là, j'achète beaucoup moins de jeux là, présentement. Là. Puis je trouve ça bien correct. Mais moi, c'est un bon backlog à jouer. Ouais, non, c'est pas, je manque de rien. Mais moi, le message que je donnerais à tout le monde, c'est n'hésitez pas à y aller parce que, sérieusement, c'était vraiment invitant. Tout le monde était super fin. Puis, tu sais, c'est accessible pour tout le monde, je pense. Même pour les gens qui ont peut-être absolument rien chez eux puis qui veulent commencer ben à oui, triper ben rétro. Oui, il y avait même du monde qui avait des machines, tu sais, en dessous des tables ou à côté, des machines complètes, ouais. Là, des Genesis, des Nintendo, tu sais, des kits pour commencer. Fait que, souvent après la réunion, tout le monde publie ses achats de la journée sur la page de CJVQ. Fait que là, tu vois, puis là, c'est les remerciements. Tu vois ce merci que t'as à mangé. Chose de la table, de ci, de ça. Ouais. Fait qu'il y a bien du love autour de tout ça. Puis sérieux, les réunions sont tout le temps grandissantes depuis les deux dernières années. Là, c'est big. Là. Bientôt, moi, je dis, faut travailler puis rentrer ça dans une convention là, comme le méga, genre, puis avoir une section de vente, tu sais. Ben, pour vrai, ça serait bien que ça soit à place. C'est vieux parce que, tu sais, moi, je me rappelle à l'époque d'Arcadia, 2005-2006, il y a du monde, c'est ça que j'ai vécu, qui passait des flyers, puis j'en ai retrouvé un, tu sais, puis c'est comme, c'est pas une nouvelle affaire là, de pas bon, tu sais, c'est une vieille institution pour l'Internet. Là. 2005-2006, c'est quand même. C'est tous des passionnés, c'est pas un truc pour le profit, c'est des collectionneurs ensemble. Là, fait que le groupe Facebook est très propre aussi. Ça n'a rien à voir avec des pages comme Gamer, Gamers ou plein de monde ou Black Market, je sais pas quoi. C'est un groupe de passionnés. Non, puis c'est ça. C'est pas un groupe non plus qui s'adresse seulement aux collectionneurs hardcore qui ont un mur complet rempli en jeux. Non, c'est ça. C'est vraiment, ça te tente de t'acheter 2-3 jeux. Pourtant, on a une coupe pareille. Là, non, il y en a, mais ce que je dis, c'est que c'est pas juste ça. Puis que quand tu vas à cette réunion-là... Faut pas être intimidé par ça. Exact, faut pas être intimidé par ça, je pense. Puis je pense que c'est une... Tu sais, c'est peut-être une perception populaire aussi de regarder ça de loin puis de faire comme « Oh shit, des collectionneurs, excusez-là, moi je suis un peu plus casual que ça, tu sais. » Effectivement, je pense que c'était une question de changer le nom à voir. Là. C'est quelque chose à proposer, mais tu sais, je pense que... Ça peut être intimidant, mais ne soyez pas intimidés, c'est le fun. C'est vraiment cool. Les gens qui viennent, habituellement, reviennent. Exact. Hey, ça va être à mon tour. Puis on va-tu avoir le temps pour la dernière question? On va se garder un petit 10 minutes à la fin. Je vais faire ça vite. Do it. Alors, dans ma folie de la Nintendo Wii, oui. Je vais parler. Oh shit. Occupe-toi-en pas, je vais y aller. Vas-y, Jean-François. Hey, je vais parler du jeu qui s'appelle Heavenly Guardian. Qui faisait partie il était sur ma wishlist, dans le fond, dans mon application. Quand j'ai vu que l'excellente boutique Retro Love, allez voir ça sur Facebook, l'avait. j'ai poké Fred, puis comment il l'a gardé. Excuse, Retro Love, sont-ils sur Facebook? Ils sont sur Facebook, Retro Love. Cette fois, j'en ai des Retro cartes, puis je vais les tirer. LG Muzio. Parle du même porn star des années 90. Exact. Il existe encore, ce gars-là. Okay. J'ai juste rasé sa moustache. Ah, OK. Plus il vend des jeux, il fournit plus. Plus huileux que jamais. On l'appelait la truite. Et puis, ah fuck, j'ai des notes. Faut que je sorte mes notes. Faut que je sorte ses notes. C'est pas des hosties de farce. OK. Mais oui, c'est un bon jeu d'ailleurs, pas très cher. Hein. Non, c'est ça. Ce jeu-là, les amis, ça voulait être la suite dans la suite de la série Kiki Kai Kai. Ben oui, que t'avais fait la critique d'ailleurs, le 2 au Super NES. Non. Non, c'est pas lui. Tu fais une blague. Non, t'avais fait... Pocky Rocky, c'est pas la même chose? Oui, c'est ça. Okay. C'est ça que j'allais dire. Ah, là-dedans, il n'y a pas ces notes. Non, mais j'ai jamais fait de critique de Pocky and Rocky. Oui, tu l'avais acheté. Je me rappelle plus. Okay. Oh, mais ouais, c'est ça. Kiki Kai Kai, c'est Pocky and Rocky à l'extérieur du Japon. Attends, tu me donnes à avoir l'air d'un newbie, mais t'as clairement fait ça, cette critique. Je me rappelle pas. Fait qu'on va mettre du gameplay. Fait que mettre du gameplay. Et puis, dans le fond, ce jeu-là, ça allait s'appeler Kiki Kai Kai 2, simplement. Et puis, mais Starfish SD, qui développait ça, ils ont perdu la licence. Fait que le jeu a fini par refaire surface sur la Wii. Ça s'appelait Kiki Kai World. Et puis, fait qu'ils ont changé ça. Ils ont changé des petits éléments, comme le saut de Miko, qui est le personnage principal, les couleurs, tu sais, pour pas avoir de beef avec Square Enix. Là, ce que je comprends un petit peu moins, j'ai pas réussi à trouver toutes les infos, c'est que je comprends pas Square Enix là-dedans. Parce que Pokémon Rocky 1 et 2 au Super NES, c'est Natsumi. Ouais. Et puis, ça, man, c'est Starfish SD. Puis en Amérique, c'est UFO Interactive. Donc, en tout cas. Puis ça dit aussi sur Wiki que Taito appartient à Square Enix. Puis il voulait pas avoir de trouble avec ça non plus. Alors, okay. Voilà. Voilà ce que Wikipédia dit. Voilà ce que Wikipédia dit. Mais toujours est-il que Heavenly Guardian, c'est comme une suite spirituelle de Pocky and Rocky, comme on le voit à l'écran. Donc, ça, c'est un Twin Stick Shooter. Mais là, je peux pas dire. Moi, j'ai joué à la version Wii. Il existe une version PS2. À l'origine, ouais. C'est un jeu PS2. À la Wii, t'as ta Nunchuck dans une main que tu contrôles, que tu te promènes. Puis avec ta Wiimote, tu peux pointer à l'écran pour viser à des places précises. Okay. Chose que j'ai compris tellement trop tard. Et sinon, tu fais juste comme courir, puis ça tire dans la direction que tu fais face. Okay. Donc, c'est ça. Tu peux shaker ta Wiimote aussi pour faire une tempête de neige. Parce que t'es comme une sorcière de glace, de neige, dans le fond. Puis tu ramasses des petites balles de neige. Tu secoues ta Wiimote, ça fait une tempête de neige, ça gèle le monde dans l'écran. Okay. Ou ça tout le monde aime ça, les tempêtes. C'est très pratique. Hein? Tempête. Tout le monde aime ça, les tempêtes, en plus. Ben oui, on est tellement dans le thème. Et puis, t'as un dodge aussi qui est une genre de... tu roules en balle de neige. OK. Mais ça, je l'ai trouvé pas très utile. Shit. Fait que t'as 6 mondes à passer au travers. Et puis, t'as des power-up d'armes. Qui est normalement, tu lances juste comme des cristaux de glace pointus. Okay. Et puis, tu peux l'avoir en three-way, comme on voit présentement. Tu peux avoir le homing, mais il est vraiment de la merde. Okay. Et puis, tu peux avoir le bomb, qui est très bon. Le homing qui est de la merde. Ouais, il suit pas. C'est un homing qui home pas. Il est trop lent, puis il home pas. Mais là, ouais, j'ai vu, t'as un saut là-dedans. Là, tu vois, elle a pogné la bombe, là. Non, t'as pas de saut là-dedans, okay, sauf dans des sections genre, où est-ce que c'est automatique, effectivement. Okay, okay, okay. À force de pogner, tu peux pogner des power-ups d'armes, comme on voit. Là, il est rendu avec la bombe. Tu vois les petits cristaux en haut là, qui s'accumulent. Ouais. Bon, chaque fois que t'en pognes un, ben, ça augmente ton power. Là, quand t'es full power de bombe, comme présentement, ça, c'est très, très bon. Et puis... T'as comme un petit lapin, je sais pas quoi, qui te suit, là. Ouais, ça, ouais, c'est il ton sert petit, à quoi, ça? C'est ton petit body, là. Non, il tire, tu sais. C'est un pod, genre? Hein? Ouais, c'est un pod, comme un pod, un orbe ou je sais pas. Mais il va pas foncer sur le monde. Okay, okay. Par contre, tu peux lui ordonner de le faire. Ça va consommer beaucoup de balles, mais il va faire un beau petit carnage, là. Très utile. En bas, c'est la life, les petits flocons. Ça aussi, tu peux en gagner en ramassant les items. Chaque niveau est joliment différent, je dirais. C'est beau quand même. Au début. Tout dessiné. Ah ouais, c'est bien fait. Pour un jeu de Wii, là, c'est. Mais je trouve que, sérieusement, tu regardes la pochette, ça a vraiment l'air d'être un jeu de marde. Oui, C'est un Hidden Gem, quand même. Projet de cégep, là. Ah ouais. Ça n'a pas l'air terrible. Ça n'a aucun rapport. Puis, tu sais, c'est un jeu de 5-10$ dans une bin de pharmacie. Mais bon, on le trouve jamais dans une bin de pharmacie. Fait qu'il faut trouver chez Retrolove à 10$. Exactement. Puis, mais tu sais, comme le gameplay, il est là. Ouais, c'est pas cool. C'est pas nécessairement si beau. Tu sais, tu chies pas à terre en regardant ça. Non, non. Mais c'est rare qu'on chie à terre. On se garde ça pour les occasions spéciales. Exact. Ça, c'est salissant. Tellement d'occasions de chier à terre. C'est tout ce qui est après qui vient. Là. C'est tellement malaisant. Mais mettons, Pocky and Rocky ou Super NES, c'est plus beau. Tu sais, ça l'essaye de je sais pas quoi. Là. C'est un autre style graphique. Là, je trouve ça fun, moi. Que 16 bits. Moi, je trouve que ça a l'air d'un jeu flash sur internet. Je suis d'accord avec toi totalement. C'est clairement, même pour l'époque, oui, c'est pas super resplendissant. On dirait les jeux faits avec Game Maker où est-ce que les sprites matchent pas ensemble. Mais tu sais, ça, c'est comme un peu Mischief Maker sur 64, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a pas rapport dans la console calée. Tu sais, comme Mischief, c'est un 2D platformer. Puis dans une affaire de 3D 64. Ouais. Puis ça, c'est comme un top-down twin-stick shooter, mais dans une console qui se veut interactive avec les mouvements, puis tout ça, gogos. Alors 3D. Que tu fais juste te promener puis gonner partout, tu sais. Ouais, pour eux, c'est un shovel. C'est ça qui est plaisant, là. En fait, moi, je trouve que les ennemis sont charmants. C'est le design des niveaux qui est moyen, tu sais. Ben là, t'es dans un niveau présentement, t'es comme dans un genre de gros temple, là, fait que c'est un peu plate. Mais c'est ça, j'en parlais des niveaux tantôt. C'est bien parce qu'il y a comme une forêt de glace au début. Là, ça c'était le temple. T'as un autre, bon, bien sûr, la lave et tout. Et puis t'as le. Je baillais en fait. Regardez la version vidéo, le retour de la critique à Dom. T'as El Jimmozio. Qui baille au cornet. Il est de Facebook, là. Hey, c'est la semaine. Fatigué, là. Rétro Love, Facebook. Mais c'est ça, il y a un niveau que c'est comme un village hanté dans lequel tu as une genre de map de dessiner par terre. Fait qu'il faut que tu te promènes pour aller chercher des items là-dedans. Fait que ça, c'est bien. Puis le dernier niveau, c'est comme un boss rush. Faut que tu rebattes toutes les boss avant d'aller pogner. Ça, moi, ça, je suis pas capable. Ben, c'est ça. Moi, je les ai grindés, je les ai passés. Puis, OK. Ouais. Mais c'est là, cheap. À la fin, fallait que je les refasse. Là, je suis comme, ah, fuck, faut vraiment que j'apprenne à les battre comme il faut chacun d'entre eux. Chose que j'ai faite, c'est là que j'ai découvert que je pouvais viser l'écran pour tirer aux bonnes places. C'est comme le cœur du jeu qui est là. Ben, apparemment, non, parce que j'ai fait tout le jeu sans le faire. Le jeu est super facile, mais Dom, il était comme, c'est toi, vas-y. Non, non, mais t'as pas besoin de le faire dans le jeu tant que ça, mais c'est parce que le boss, vu que tu cours partout pour dodger des affaires, tu peux juste y pointer d'en face pendant que tu dodges, puis ça tire partout. Ça y tire tout le temps à bonne place, pareil. Puis c'est un jeu qui se joue en co-op. Ouais. Donc, tu sais, en co-op, je l'ai essayé vite vite avec mon fils qui voulait absolument pas jouer. Là, excusez, je vais déborder un peu parce que tu m'as tout coupé pendant au moins une minute et demie. il voulait pas jouer, tu sais, il a eu ça. Mais ça m'a montré qu'il y a pas plus d'ennemis à l'écran, les boss sont pas plus forts. Fait que je me dis, c'est deux fois plus facile, tu sais. Puis quand tu respawns à un point dans le niveau. Mais à deux, tu respawns live, là, tu sais. Fait que tu fais toutes tes vies à deux comme ça, puis ça J'entends boule. Que les deux sont pas morts en même temps, t'es correct. Exactement. Il y a toujours des continues, tu recommences au niveau que t'es. Par contre, c'est ce qui est trompeur, c'était, ça m'a vraiment fâché. Tu penses que ça sauve automatique quand t'es rendu au troisième niveau, fait que tu fermes ton jeu, tu sais. Mais non, tu recommences toujours au début. T'as un level select à partir du moment que t'as battu le jeu une fois. Fait qu'il faut tout le temps que tu recommences. Puis c'est un peu long quand même. Là, fait qu'on puisse sauvegarder une partie puis recommencer où c'est qu'on est, ça aurait été un beau, beau plus pour ce jeu-là. Ben oui. Ça, c'est un petit peu décevant. Mais sérieux, c'est vraiment... moi, je trouve que c'est totalement un must là, dans une collection Wii. Ça vaut la peine. C'est pas cher, man. C'est écrit UFO sur la boîte. Ça, c'est hit or miss. C'est hit or miss. Mais c'est juste un publisher. C'est Super Bowling, on était au 64. C'est un publisher UFO. Mais exact, ça vaut cher, ça, par exemple. Mais c'est juste un publisher. Dans le fond, c'est Starfish qui l'a développé. Ouais, c'est ça. Starfish, la vraie mais c'est, ça, c'est comme Acclaim ou LGN. C'est le logo, ça a boîte. C'est ça qui peut faire peur. Puis ça hit or miss, mais c'est pas aussi fail que LGN dans ma tête UFO. Puis sur Wii puis DS, ils ont des petits hidden gems pas chers. Comme mettons Monkey King, qui est un schmop. Tu sais, les affaires de même. Donc, surveillez ça. C'est très intéressant. Et pour toutes ces raisons, je donne un 7. C'est le retour des vacances. Sur 10. Toujours. Toujours. C'est mon train. Mark. 7 sur 10 à ça. 6.57, là. Mais c'est pas de la merde, sérieux. C'est très, très bien. Puis j'avais hâte de recommencer ma game, de le finir, tu sais. Puis je voulais le finir. Donc, Puis en co-op, man, beau petit jeu de party. Sérieux, tu t'installes là-dessus, tu tripes. C'est pas compliqué. Donc, je conseille ça à tout le monde. C'est peut-être, génial. Peut-être inutile de mentionner que tu as le guide... tu as le manuel avec. Ah, oh ben je l'ai lu par après. Puis ça l'indique clairement. Ça l'indique clairement. Non, mais c'est parce que dans les options, au début, ça dit deux choses. Ça dit on fire ou un autre patente. Puis ça dit rien. Fait que j'ai essayé les deux. Je voyais pas ça de différence. Ça dit ça, j'imagine. Fait que je l'ai relu après, mais j'ai pas catché là-dedans non plus. C'est vraiment comme. Maintenant que tu me l'as expliqué, ça, comme ça paraît clair. Un frame orange qui apparaît dans l'écran. Puis je comprenais pas comment je le faisais. Puis à un moment donné, j'ai comme catché que c'est ma main qui tiltait. Quand c'est l'œil passait devant quand le capteur. Quand ta main devenait molle, tu sais, elle pointait devant l'écran. Ben, ça fait. C'est ça qui a le fun avec la Wii. C'est ce que t'aimes faire aussi avec mollasson dans ton design. Les mains pendantes de chaque bord de ton corps. J'ai clairement joué, genre. Les Zelda de la Wii à mollasson. Ah ouais. Exactement. Mode mollasson. Détaché. Hey, parlant de mode mollasson, on voulait vous parler de nos résolutions de 2018. On va faire le table, il nous reste un petit 5 minutes. Okay. C'est parfait. Speed, speed. Écoute, ben, je vais partir le bal. Moi, mes résolutions de 2018, moins de RPG. j'ai fait trop de RPG en 2017. Ça m'a un peu brûlé, un peu vidé. Là, faut vraiment... sérieux, faut que je passe à autre chose là, parce que j'en ai vraiment trop fait. Tous ces choix. Quoi? Tous ces choix. Tous ces choix. C'est tellement difficile, tous ces choix. Aussi, GF, avec son incessant bâton de VR qui me tape sur la tête à toutes les fois qu'on se parle, me donne vraiment le goût de me lancer dans le VR aussi cette année, peut-être avec PlayStation. Donc, peut-être ça dans mes résolutions. Puis aussi, retour au simple. Donc là, je trippe vraiment énormément Game Boy de ce temps-là. Je m'ennuie des jeux à moins de boutons. Je trouve que... Ce sera des reviews rétro, là, ce serait drôle. L'Atari Box sort cette année, c'est le temps, man. Atari Box! Il est comme le seul actionnaire dans ce monde. Non, mais c'est ça. Je m'ennuie d'un peu de simplicité dans les jeux vidéo. Je trouve qu'on a tellement d'affaires où il faut qu'on gère énormément de choses, où il faut qu'on gère énormément de boutons, pis ça. Fini les open world. Je lance une idée de même. Prochain show, tu fais une critique Game Boy. Ouais. Puis peut-être, Dominique, tu pourrais faire un MOBA, en fait. Là, sérieux, je suis ouvert à ben des affaires, j'en ai mais des ça, je veux rien savoir de ça. comme Bruno le pointait tantôt à l'écran, il y a du stock tout le tour. Moi, c'est comme... Ah ouais, des critiques VR, Dom. On va te mettre directement dans le futur, direct en VR. Ça, j'aimerais ça. Ah ouais, mais ça, ça serait drôle. J'ai acheté des jeux PS3 là dernièrement, puis je pourrais jouer à 3D Dot Heroes Game. Oui, oui, oui, 3D Dot Game Heroes. Ouais, c'est ça, ça. Je préfère ça. J'ai jamais fait Heavy Rain, je l'ai. C'est vrai, ça. Payer ça 2$, 9 ou 8$. C'est bon. J'ai une belle petite collection de PS3 que j'essaie de faire grandir. D'ailleurs, Bruno, si tu peux retrouver les jeux que tu as... Elle pourrait grandir encore plus. Ouais, exact. Ah, je vais te trouver ça. Mais c'est ça. Puis sinon, j'ai pas d'autres résolutions. J'ai tellement de belles affaires. Là. Moi, j'en ai quelques-unes. Je me suis inscrit au gym. Rétro nouveau kilo. Rétro kilo. Rétro kilo. Merci, plus de chips. Je pense que ma seule vraie résolution de gaming, c'est de dire je vais acheter moins de jeux sur Steam que je vais pas jouer. C'est ma résolution aussi. Toutes mes années, man, j'en achète, puis ma collection a grandi, puis j'en joue pas tant que ça. T'sais. Hey, oui, le dernier Valkyria que t'as acheté, là. Chris, il est-tu développé? Je rajoute à ma... Non, il est pas développé. Joue à Valkyria. Et dans le temps des fêtes, j'ai acheté Nier Automata, Grand Theft Auto 5 et Deus Ex, le plus récent. Mankind Divided. Excellent jeu. En tout cas, ils sont encore emballés. Fait que, dans le fond, il faut que j'achète moins de jeux. Puis là, j'ai précommandé Ni no Kuni, que j'avais oublié, 2. Puis il s'en vient genre en février. J'ai clairement pas le temps de jouer. Coppel de 100 heures. Ouais, ça. Fait que... fait qu'en tout cas, je vais essayer de moins jouer. moins jouer. Je vais essayer de moins acheter de jeux que je vais pas jouer. C'est une bonne idée. Ouais. Puis toi, Jeff. Ben, c'est exactement ce qui est marqué sur ma feuille. Arrêtez d'acheter des jeux que je ne jouerai pas. C'est la même chose, c'est la maladie du PC en fait. C'est les maudits deals Steam tout le temps qui arrivent comme oh, 20% de rabais, je l'achète, je jouerai jamais. L'acheter, il est moins cher, tu sais. Ouais, ouais. Même c'est, 75% d'un jeu que tu vas jamais jouer, c'est quand même plus cher, tu sais. Que ben, c'est fou parce que Steam, t'es comme tout ça. Ah, il y a un flash deal 90% sur un jeu. Ben voyons, on m'a l'acheté 90%. Mais c'est parce qu'après, t'as la pression de le faire. Ben ça c'est l'autre affaire. Moi, je l'ai pas, tu sais. Moi, je l'ai par contre. Je l'ai tout le temps. Je me sens mal, tu sais. Moi, j'ai Duke Nukem Forever qui est là dans ma librairie. Duke Nukem Forever. Hey, faut que tu joues avant la suite, là. J'ai aucune pression, tu sais. Mon projet secret, là, la suite, faut pas... je l'ai noté. Ouais. Fait que that's it, GF. Ouais, c'est tout. Faut que j'arrête d'acheter ceux que je jouerai pas. Gémus. Écoute, moi, de mon côté, j'ai réécouté autrefois les premiers épisodes que j'ai fait avec vous à Rétro Nouveau. Ouais. Puis ça vient confirmer ma première résolution qui est extra gaming, qui est aussi de perdre des rétro kilos. Est-ce que j'ai une grosse face à Star quand je compare au on début. Va partir un concours rétro nouveau kilo quelque chose. Exactement. Ouais. Je pense qu'il va falloir se faire un pool de qui est capable de perdre au moins 10 livres. The biggest loser. Cette année, mais cette année ça recommence. Le gym pis tout là. Oh, ouais, pas d'amour propre. C'est fuck off. Sinon, mais j'ai deux résolutions de gaming. Écoute, la première, c'est de passer moins de temps à chasser la cassette et plus de temps à jouer la cassette. L'année passée, là, je me rends compte que si j'en ai rentré du stock dans ma collection puis que j'ai pas vraiment pris le temps de tout le jouer. Puis je me suis surpris, tu sais, comme justement, on a notre défi inter-ami de Sega. Déjà là, je me suis dit cette année, je pense que j'ai fait autant de jeux en une semaine que j'en ai fait dans toute l'année dernière. Donc, continuez comme ça, justement, à profiter de mes trucs. Sinon, ben là, je veux pas avoir l'air du gars qui essaie de repluguer ses affaires encore, mais tu sais, cette année, j'aimerais ça comme deuxième projet aussi de développer un peu, justement, le petit côté rétro love, bon, la boutique et tout, essayer de pousser un peu ce projet-là. On a des bonnes idées, des bons trucs qui s'en viennent, des annonces à faire bientôt, mais essayer justement de monter ça encore un petit peu d'une coche. Là, de ce temps-ci, on a un peu le problème où est-ce qu'il y a... On se fait approcher pour beaucoup de lots. Puis là, on est comme, on manque un peu de sous. Fait qu'on est, on essaie de jongler avec ça et tout, mais ça se passe bien. On aime ça. Puis, bottom line, tu vas te chercher une marge hypothécaire, c'est ça? Écoute, je vais m'acheter une deuxième maison. Le pire, c'est que c'est une très bonne idée. Parce que les lots, là, t'achètes pour 2000$ de jeu. Faut pas, si tu l'as, je veux dire, ou tu prends ta marge, là, faut pas être gêné de ça. Là. C'est le temps. Le revends. Puis, non, mais tu sais, nous, c'est comme ça qu'on fait nos collections. Les intérêts, tu sais, je veux dire, tu peux pas avoir un meilleur rendement que ça. Fait que tu peux pas avoir peur d'acheter. L'idée stock, aussi, c'est que sûr, avant, moi, je chassais mes jeux et tout. Puis là, maintenant, j'ai comme pas mal... Tu sais, je pense que j'ai fait le tour de qu'est-ce que je pouvais trouver in the wild, même si j'en trouve toujours. Ouais, c'est ça. J'ai du plaisir. Ouais, avec. Fait que là, maintenant, tu sais, tu rentres des gros lots. Puis là, dans les gros lots, tu peux ramasser les beaux morceaux pour toi. Puis tu sais, tu peux laisser aller le reste. Puis tu te ramasses que ça t'a pas coûté grand chose et tout. Donc c'est à peu près ça mes résolutions. Avec tout ton côté d'homme, mon beau Dominique. Ben moi je vais faire avec la gang là, essayer de jouer à du Sega. Ben ouais. D'ailleurs, surtout ouais. Sega Master. Puis je vais essayer de faire un peu de Genesis. Je trouve ça un petit peu plus difficile que le NES qu'on faisait l'année passée. Le NES étant ma console préférée. D'ailleurs, j'aimerais faire. Puis j'ai essayé, puis j'ai raté. Je manquais de temps au début de l'année. Je voulais faire plus de setup de pauvre. Jouer live avec mon téléphone sur ma page Papa Cassette. J'adore ça. C'est oui. J'adore ça. Puis il y a beaucoup de monde dans le jour pendant que le monde travaille. Fait que ce que je fais, je dîne tôt. Puis oui. Je commence vers midi et demi. Puis le monde oui. m'écoute en mangeant. Moi, j'aime ça d'écouter. Il laisse ça aller pendant qu'il travaille en background. Puis j'imagine s'il voit que oui. de quoi d'intéressant. Genre, yeah, j'ai battu le boss, ils vont voir. Oui. Je sais pas quoi. Moi-même, je le check. Fait je dis, le tabarnouche, il joue pendant que je travaille. Ça, ah, c'est regarde drôle. Pour tailler plus. Aussi, mais... Non, mais il y a genre 60-70 personnes. Qui me regarde, tu sais, j'aime ça. Ah, le monde, il me parle, puis tout, puis je pose des questions. Je suis comme, fuck, comment? Puis des fois, il y a du monde qui va faire des recherches pour moi. Ah, merci, OK. Je pense oui. qu'on va t'envoyer au sac des chips, ça. Tu devrais être leur. Ben, j'ai communiqué game. Avec eux autres. J'ai communiqué avec eux autres, puis j'aimerais ça d'en faire des lives sous leur bannière, là, parce qu'ils sont mieux setupés, puis tout ça. Puis. Ça pourrait être un petit revenu supplémentaire pour moi. Là, cette année, d'ailleurs, là, j'ai plein de projets et pas de projets. Tu sais. Ouais. Je vais acheter un Plex. Je vais acheter un quadruplex. Moi et Fred, on a parlé, dans, en tout cas, de jeux. Voir quoi faire avec ça. Il y a des gars de Vox Populi, la microbrasserie, qui me sont revenus. Je les avais lancés dans le passé. Ah ouais. Puis là, j'avais comme idée de partir un autre bar. L'agrandissement d'Arcane Montréal. Tu sais, moi, je peux pas rien faire. Fait que là... Je check les plex avec Dej, justement. Non, le meilleur agent de la ville. Exactement. Vox Populi, c'est eux qui font la milkshake stout, ça? Ouais, ouais. Ah, c'est bon, ce stout-là. Ouais. Ah, non, bon produit. Fait que je vais regarder tout ça cette année. Puis surtout cette année, je vais essayer d'être moins comme écrasé mentalement par ce que j'ai à faire. Je peux comme devenir très... facilement fatigué mentalement parce que moi je suis comme un hamster, tu sais, dans ma tête ça, ok, vite, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, puis faut tout soit fait, faut tout soit tête, puis je vais essayer comme de tout slacker ça, ben oui. Puis être moins comme stressé, puis essayer de tout battre comme ça, je vais vivre plus légèrement, puis Chris, si j'ai des affaires, ça repousse à demain, ça plus souvent douillet en couvert en polar, là. Ah ben ça, je suis très en robe de chambre. Plus de fun en 2018. Ouais, c'est moins ça. De planification moi, et de stratification. Ouais, exactement. Moi, je veux que ce soit une année qu'on se rappelle positivement, contrairement à tout le temps les années qu'on dit « Ah, 2016, c'était la pire année. Ouais. »« 2017, tout le monde est mort. »« Ah, 2018, ce serait la meilleure ever. » Ça va être une très belle année, moi, je pense. Ben oui, en tout cas, moi, personnellement, parce que je veux faire des affaires, puis j'essaie de prendre ça cool vraiment en plus. Ben c'est cool. Puis, c'est ça. Des verres fumés dans la maison. Là. Ah, c'est ça. Cool. Ben oui. Puis ralentir l'achat de jeux aussi, moi, avec. De toute façon, j'ai pas mal tout ce que je veux. Ça, je me rends compte que les jeux que j'achète, c'est comme... « Veux-tu vraiment ça? » Pas ouais. vraiment, tu sais. En as-tu vraiment besoin? C'est ça. Pierre-Yves McSween, c'est une prochaine invitée. Là, j'ai commencé à faire un tri. Ouais. Déjà, là, je vends des bouts de ma collection, des affaires qui ne me touchent pas personnellement. Ouais, exact. Puis je vais laisser ça aller. Je vais aiguiser, affûter légèrement ma collection cette année aussi. Hey, tu gardes juste les affaires que t'aimes vraiment. Exact. C'est ce que moi, je trouve que c'est ça. Dans la vie, là, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Mm. Flushies tout le monde que t'aimes pas. Ouais. Parlant d'affaires que j'aime vraiment ma Switch. Je m'amuse au bout. Ouais, excuse. Je pense que je t'ai fucké ton Joy-Con. Ben voyons donc, Chris. C'est pas vrai. Je pas mis à l'envers. Tantôt, tu gosses après. C'est normal. À l'envers. C'est quoi qui se passe? Ben non, mais je sais pas. Il clip pas. Je sais pas trop. Ben non, ça clip. Check. Garde, là. Tu pousses un peu, là. Puis là.